Bonjour, je suis Clément Jouteux. Vous êtes dans J'ai vu de la lumière jusqu'à 23h avec nous. Des bisous. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Tout à fait, on est très content de vous retrouver ce mardi à 21h sur Indestar. Voilà, donc il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière parce que j'étais indisponible, malheureusement. Je jouais à un personnage phare de l'époque de Noël, dont je tairai le nom pour ne pas entamer la réputation auprès des bambins. Bonjour à tous, comment ça va? Bonsoir Clément. Ça va bien et toi? Salut. Eh bah, très bien, donc ces trois voix que vous venez d'entendre sont mes compères qui me serviront de cobayes en fait quelque part. Super. Puisque cette émission c'est un petit peu expérimental, hein, c'est de l'improvisation à la radio, de l'improvisation scénarisée, c'est-à-dire que j'ai préparé en aval aujourd'hui des sketchs avec des personnages dedans que je vais leur demander d'incarner. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, tu réécoutes l'émission, tu écris vraiment le scénario et tu le vends à un producteur. Ça, on ne le savait pas. Mais il le fait. C'est vrai, ça. C'est bah, réel. Alors, comment te dire que on je dirait, le fais pas c'est Luc que... Besson en puissance. C'est ça. Effectivement, j'aimerais bien. Mais après, il y a des contacts, je crois, qui se battent. Après, pour trouver un producteur qui achèterait mes idées à la con, je sais pas. Hein. Justement, c'est les idées à la con et qui passent les miens, genre. Va voir. Les idées des producteurs fêlus. Après, s'il y a un producteur, alors pas à la con du coup, pardon, mais qui veut vraiment acheter mes écritures, eh ben il n'y a pas de souci, je suis là. Donc du coup, dans 10 ans, tu nous oublies pas par contre, hein, tu penses à nous. Hein. Oui, on reparlera dans 10 ans du coup. je profite pour vous mentionner que l'émission est disponible sur Indestar en podcast, que vous pouvez l'écouter où vous voulez, et que voilà, c'est... Le podcast, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, que j'écoute depuis longtemps, tous les reflets d'acide, les donjons de Naldoc. C'est un format dont je suis très fan. Ça permet d'écouter quelque chose posé le soir et de se faire une histoire dans sa tête. Et je trouve ça formidable. Voilà, mon amour du podcast. Disponible sur le site indestar.fr. Tout à fait. Plein des, de bisous à, des bisous à JBX, s'il nous écoute, créateur de reflets d'acide, la meilleure saga MP3 à mon avis. Ok. Gaëlan, bonjour. Bonsoir Clément. Donc tu t'appelles Gaëlan? Ah oui, comme tu viens de le dire. Alors, pourquoi ce prénom bizarre, dis-nous? Et pourquoi bah, écoute, je pense, oui, je suis breton, mais c'est d'origine irlandaise. Ah, bah oh. Alors, oui, d'accord. En plus, tu compliques. Ouais, voilà, je complique la tâche. Les choses simples sont pas drôles. Mais oui. Alors, Gaëlan, tu es à l'ESCAT, du coup, l'école d'audiovisuel. C'est ça. À Tournor. Oui. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien. C'est parfois un peu stressant, mais m'en sort. Ouais. Je m'en sors. Lundi, vous aviez eu un projet à faire dans l'urgence, non? On était en tournage, on a eu une semaine pour le préparer, pour le festival Désir Désir. Ah ouais. Donc oui, beaucoup de boulot pour une semaine pour un court-métrage de 2 minutes. D'accord. C'est pas trop pointu des fois, c'est pas trop difficile, ça va? Non, on sait tout ce qu'on a à faire et on le fait okay. À notre façon. Parfait. C'est beau. Ça m'émeut beaucoup, hein, je me permets. C'est très fluide. Tu veux un mouchoir? Elle en a plein, je crois. Je viens de passer. Joachim, bonjour. Salutations. Tu vas bien? Toi, c'est ta première fois dans l'émission. Yes. Mais tu la connais et très bien. Espérons pas la dernière. Oh bah non, t'inquiète pas. Qu'est-ce que j'ai? Oui, tu connais bien l'émission parce que bah, t'as assisté à pas mal de sessions. Et tu... D'entraînement, oui. Et puis même de présent, ouais. C'est vrai que tu nous vois faire nos échauffements bizarres. Ouais, c'est ça. Et là, c'est voir faire plein de cris bizarres. Tu y as participé. Hein. Bah, j'y participe, en tout cas. Et alors, tu as survécu? Tu l'as vécu bien? Ouais, ça a l'air de bien se passer, donc je vais y aller, pourquoi pas. Hein. Pour les auditeurs, c'est des petits échauffements de théâtre qu'on fait, hein, qui ont l'air très bizarres vu de l'extérieur. C'est ça, avec voilà. Des cris très animalesques, on va dire. Animalesques. Joachim, toi t'es sur Indestar assez souvent, je sais que tu fais le pré-show de l'émission Enrôlé dans la folie. C'est ça, qui est une fois par mois le premier samedi de chaque mois. Yes, tout à fait. Et alors, tu avais un projet d'émission Parlons Passion, comment ça se passe du coup? C'est ça, alors l'émission a mis un peu de temps à se mettre en place parce que il faut faire... enfin, le concept de l'émission c'est de faire venir des gens de l'extérieur qui tout simplement vont parler de leurs passions et des passions pour le moins insolites si possible, au moins originales. Et du coup, bah, un invité par semaine, bah, c'est des démarches à faire, des trucs à entreprendre. Et ça prend du temps et de l'énergie. Et du coup, ça se met pas en place forcément aussi vite qu'on aimerait. D'accord. Est-ce et du coup, ça arrive début 2020. Normalement, il devrait y avoir un pré-show pour expliquer un peu tout le cheminement, présenter l'équipe, etc. Qui devrait arriver le jeudi 9 de 20h30 à 21h janvier 2020. D'accord. Et la première semaine, donc le premier invité, sera la semaine suivante, donc le 16 janvier 2020. D'accord, bah super. Aux mêmes horaires, même jour, le jeudi de 20h30 à 21h. D'accord, bah super. Voilà, voilà. Et ben on te souhaite avec bon mes collègues Thierry et Sophie. Cool. Mathilde, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Bah écoute, ça va bien, et toi? Oui, oui, j'ai cru comprendre que tu étais un peu malade du coup avec ce paquet de mouchoirs juste à côté de ton micro. Tu t'as demandé des clowns pour ce soir, du coup elle a sorti son nez rouge. Exactement. Nez rouge et battu. C'est ça. Comme disait Gaëlan, on a eu une semaine pour préparer le tournage. Est-ce que vous êtes ensemble? Alors on est tous les deux à l'escalade, on est collègues, c'est ça. Dans la même promo. Non, on n'était pas sur le même tournage, mais ouais, on avait tous les deux le festival à préparer, donc c'était bien. Le résultat est satisfaisant. Ouais, ça va. Je suis pas trop mécontente. Mais tu ne sautes pas de jouer au plafond non plus. Quand t'as le temps de t'attacher à un projet et que tu le finis, t'es content. Oui, non, mais oui, clairement, clairement. Mais bon, c'est un métier d'insatisfait, donc c'est normal. Donc t'es éternel insatisfaite. Exactement. Il y avait un réal qui avait dit, faire du cinéma, c'est comme dessiner une toile. En parlant dans un talkie-walkie, à l'autre côté du talkie-walkie, t'as 12 mecs avec des pinceaux. Et tu dois leur dire comment dessiner. Ah, exactement. La toile. C'est qui a dit ça? Je sais plus. Je connaissais pas. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, c'était plus. Un grand en tout cas. Je sais plus lequel, mais c'était un grand. Ok. Au moins 2 mètres quoi. Au moins 2 mètres. J'ai vu La Lumière, une émission qui est intransigeante avec ses références. Bien sûr, comme toujours. Présenté par le présentateur, bien sûr. Et oui. Faut pas l'oublier. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire dans le doute. Vous pouvez télécharger les podcasts. Si, je l'ai déjà dit. Oui, mais c'est pas grave. Sur le site Indestar et sur 12 plateformes possibles. Fais-toi de la pub, vas-y. N'hésitez pas à aller sur indestar.fr. Tout à fait. Et on note également que le 21 décembre, le samedi 21 décembre, il y aura les 10 ans de Indestar. Effectivement. Cette petite radio qui a 10 ans déjà. C'est ça. Et donc de 14h à minuit, il y aura plein d'émissions diverses avec des sketchs. Plein d'activités, surprises. Plein de lots à gagner, plein de un fil rouge, du public, des élus, de plein de choses. Et de la bonne. Des élus? Oui, il y en aura un ou deux quoi. Ah, c'est oui, mais tu sais pourquoi? Non. Non. Ok, bah on saura après. D'accord. Je sais que malheureusement je pourrais pas y être, mais je vous écouterai avec grand plaisir dans d'accord. la voiture. Ah, la ça c'est sûr. Ok. Et donc ce soir il va passer un sale quart d'heure. Il va recevoir les coups de fouet lui. Donc ce soir, les histoires que je vous ai préparées vont parler de radio. Quelle originalité, voilà. Bravo Clément. Oui. Oui. Hein. La radio dans les hôpitaux, bien sûr. Ah, tu verras. D'accord. Oui, d'accord. Inès n'est pas là parce qu'elle bosse vraiment dans la radio. Bon. Ok. La radio d'hôpital. Okay. Ça a parlé donc de radio, d'amphithéâtre, okay. Donc de faculté. Ça a parlé d'histoires de détectives. On va avoir bien sûr Amour, Gloire et René qui revient encore une fois. Je connais pas, mais ok. Joie. Tu vas voir, c'est très bien. Ah, c'est ce que tout le monde préfère en général. D'accord. Et on va avoir une histoire de découverte, quelque part, je vous en dis pas plus. Et une histoire de mafia. Voilà. Ah. Oh, ça yes. Ça va être bien. Parfait. Ça vous plaît? Ah ouais, là je suis. Ah ouais, carrément. Eh bien, c'est super, on se retrouve tout de suite après avec une histoire de radio-voyance. Et on écoute pour l'instant Anna Free avec sa chanson Another Christmas. A tout de suite sur Indestar et des bisous. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Tout à fait, 21h-23h avec nous, j'ai vu de la lumière sur Indestar. Vous êtes là, vous êtes chaud? Yeah! Formidable. Salut Théo, tu viens d'arriver? Bonsoir. Tu vas bien? Ça va. Ouais, tu sors du taf? Oui, bah oui, 21h, donc pour être là à 21h, c'est toujours un petit peu chaud. Mais ouais, bah ouais. Heureusement, j'ai... Le travail n'est pas loin. Oui, c'est vrai que tu travailles au Baby Club. Il habite pas loin non tu plus. Habites, oui. Un peu plus que toi, Joachim. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, tu travailles au Baby Club, Théo, et on te représente. Hein, tu es le daron de la radio. Le daron de la radio. Ouais, ça te va comme titre ou pas? Non. Non. À l'occasion, je crois qu'il fait aussi esprit de Indestar. Ah, c'est vrai. Ah, c'est pas mal. Ne dévoile pas tous les secrets. Ah ouais, non, ça c'est cuisine. Surtout tes multiples personnalités, c'est différent. Et j'ai fait de la pub pour les 10 ans de Indestar. Hein. Ah yes, le 21 décembre. T'as vu comment je fais tout bien ce soir? C'est bien. Parce que Théo, spécialement ce soir. Théo me tape sur les doigts quand je fais pas des trucs pas bien. Donc là, du coup, je me suis dit, ah, je vais l'avoir. On va voir si ça va durer jusqu'à 23h comme ça. Tout à fait. Et on précise que tu n'as pas fait le petit échauffement avec les autres, mais non, bon, j'ai pas il ne le fait jamais en même temps. Le ya, ouais, le ya, bien. Ah oui. Tu le feras un jour, en 10 ans, je t'en ferai. J'ai eu l'occasion de le faire une fois. Ah ouais? Ouais, une fois où je sais pas, je devais pas travailler. Pas, ouais, ou tu séchais, ouais. Séché, ouais. Il a séché les cours. Séché la dernière heure. Peut-être qu'il était tombé dans la piscine. Peut-être pourrait-on expliquer en quoi ça consiste? De quoi donc? Le ya? Le ya, c'est. Oui, c'est un peu, je pense. Alors en théâtre, beaucoup de gens connaissent. C'est un jeu qui permet de passer de l'énergie. En fait, c'est comme une boule d'énergie qu'on passe de la droite vers la gauche avec un mouvement et un cri qui accompagne, ça fait ya! Ouais. C'est con, ça donne de l'énergie. C'est très drôle. Voilà. Et le petit truc à noter, c'est que toutes les troupes de théâtre ont un ya, mais à chaque fois c'est différent. Ah, personne n'ont les mêmes signes. Oui, parce qu'il y a des trucs bizarres quand même. C'est ça. Donc on ne sait jamais vraiment jouer au ya parce que c'est, ça bouge tout le temps ce truc-là. Mm-hmm. Ok. C'est bien rigolo. Nice. Ok, on n'est pas là pour parler de ça. On va lancer la première improvisation et une improvisation qui parle de radio. Ah. Ça nous change, tiens, dis donc. Théo est content. Je lui ai dit tout à l'heure que ça parlait de radio, sinon il venait pas. ça c'est fait. Donc on va avoir une radio voyance. Oh, j'ai déjà fait ça. Ah, c'est vrai. Là, j'ai demandé à quelqu'un de faire une animatrice de radio voyance. Du coup, tiens, bah Mathilde, je te vois avec ton au hasard, hein. Ton espèce d'écharpe plaide. Ouais, ça coupable. Fait bien voyante. Tu me vois bien être voyante. Ouais. C'est bon pour moi. Donc, bah tout est dans le troisième œil. En fait. Donc, c'est une radio voyance. Toi, tu animes la radio et les gens vont t'appeler pour savoir des choses sur leur futur. Et donc les gens qui vont appeler, bien sûr, ça va être vous, Théo, Joachim et Gaëlan. Et je vais vous demander de créer des petits personnages avec des petites histoires. Oui, je voudrais gagner au loto ou je voudrais être président, tout ça, des choses comme ça. Je voudrais reprendre Indestar. Tu peux, tout est permis. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, ouais. C'est tout bon. Et ben pas pour moi, parce que super. Le son que je veux mettre. Veuillez patienter. Juste ici. Non, ça en arrive. Musique, bien sûr. Ça arrive. On est prêt, Radio Voyance, c'est tout de suite sur Indestar. Fais l'animatrice du coup. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Troisième Œil. Est-ce que vous cherchez votre âme sœur? Est-ce que vous avez peur de ne pas trouver de boulot? N'hésitez pas à nous appeler au 06 35 42 61. Oui, allô, excusez-moi madame, bonjour, je vous appelle parce que en fait, je tombe dans les escaliers tous les matins en allant faire mes courses, aller chercher ma baguette à la boulangerie et je voulais savoir si demain matin je tomberais encore dans les escaliers. Donc monsieur, bon monsieur, quelle est votre question? Non, excusez-moi, je suis une dame. Ah pardon, excusez-moi. Donc ah, c'est pas ma grave. Bonne dame, quelle est votre question? Je voudrais savoir si demain matin je vais me tomber dans les escaliers en allant chercher ma petite baguette. Attendez, parce que j'aime bien les baguettes moi quand même. Attendez, la voyante se prépare. Oui, bon, dépêchez-vous parce que la boulangerie elle ferme bientôt quand même. Je vois. Oh, je vois un avenir sombre pour vous, mon bon monsieur. Oh non, je suis encore tombé. Oh, me dites pas ça, madame, s'il vous plaît. Je vois un escalier, je vois une lumière. Oh, le médecin il m'a dit que si je tombais encore une fois, je terminais à l'hôpital. Hein. Il faut pas. Hein. Enchaîne. Radio Troisième Œil. Je ne saurais vous dire, ma bonne dame. D'accord, bon bah tant pis. Laissons faire le destin. Au revoir, madame. Au revoir. Alors, je précise un petit truc, c'est que les gens appellent et payent pour ces pour les consultations, donc il faut que tu trouves une réponse à chaque faut fois. Faut que je trouve une réponse, c'est je suis ça. Désolée, je vous sachais. Paye en radio, c'est arnaque. Sinon, c'est un peu voyante, radio arnaque, en effet. Ce sera peut-être un autre épisode. On est reparti. Avons-nous un autre auditeur? Ouais, attends, il arrive. Ok. Bonjour, c'est Zinedine Zidane. Je vous appelle pour savoir si mon équipe va gagner samedi soir. Donc vous cherchez à savoir si votre équipe va bien gagner? Oui, parce que c'est vrai que côté défensif, la dernière fois on était un petit peu léger. Alors je voudrais savoir si en 4-4-2, là, ça va le faire, comme on dit. Dites-moi, je vois un joueur. Est-ce qu'il aurait pas des problèmes de couple? Alors, il y a toujours un petit peu de problème de couple, mais vous savez, ça se règle dans les vestiaires entre copains. Je vois quelque chose de sombre. Je vois quelque chose d'étrange. Une espèce d'aura maléfique. Sorte de ballon. Est-ce qu'il n'aurait pas des problèmes intestinaux? Intestinaux. Problème. vous parlez de notre joueur fétiche, le numéro 10? Tout à fait. Nous alors effectivement, ça doit rester dans le cadre privé, hein, j'imagine, même si on est à la radio. Mais il a effectivement des petits problèmes qui l'empêchent de jouer correctement et je ne vous cache pas qu'il doit porter des couches. Surveillez-le, monsieur. Surveillez-le, je sens qu'il y a quelque chose qui va venir de ce côté-là. Quand vous entendez qui va venir, c'est-à-dire... Je sens que quelque chose va venir troubler la force. Uh-huh. Quelque chose va venir troubler le match. Est-ce que vous pensez que je devrais le remplacer par un autre joueur? Il est fort possible. D'accord, ben je vais prendre vos conseils en considération. Je vous rappellerai la semaine prochaine si on a gagné. N'hésitez pas, mon bon monsieur. Au revoir. La voyante est là pour vous. Ah, nous avons un autre auditeur. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, voilà, quel est votre problème ? Tout d'abord, j'aimerais savoir si ça compte de vous dire si je suis poisson ascendant balance. D'accord. Voilà, j'aimerais savoir si dans un futur proche, je réussirai à ouvrir un magasin de... Bah, vous voyez quoi, de sex shop. De sex shop ? Un sex shop, voilà, parce que voilà, j'ai 42 ans, je suis toujours puceau. Et voilà, au lieu, je me suis dit, au lieu d'aller voir des professionnels et de payer, je me suis dit, bah, autant me faire payer dans un magasin où je pourrais apprendre quand même des trucs. Alors, je voulais savoir si dans un futur proche, je pourrais ouvrir un magasin. Je suis pas sûr d'avoir compris votre problème, mon bon monsieur. J'aimerais savoir si j'aurais la chance d'ouvrir un magasin. Vous m'avez dit vous êtes poisson ascendant balance ? Tout à fait. Voilà. Je sens qu'il y a quelque chose de refoulé, peut-être un problème oedipien. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a à faire là, Oedipe ? Je sais pas, avez-vous des problèmes avec votre père ? Oui, ça a toujours été un salaud, lui. Par contre, ma mère, c'est une crème. C'est une crème ? Ah ouais. Pouvez-vous m'en dire plus ? Bah, la crème, quoi. Sans plus. Donc du lait, si j'ai bien compris. Ouais, le lait maternel, tout ça. Oh. Je sens qu'on arrive à quelque chose. D'accord. Voilà, mais alors, mon magasin, est-ce qu'il va s'ouvrir ? Je pense que là, j'ai des problèmes avec un huissier et les acédiques. Là, c'est... Ouf. C'est compliqué. Ah ouais, voilà, que faites-vous en ce moment ? J'essaye de choper de la lainette. Est-ce votre vrai métier ? Non, moi, je suis assureur. Donc votre vrai métier ? Oui. Mon vrai métier, oui. D'accord. Je comprends. Eh bien, écoutez, mon bon monsieur, je sens qu'il y a une possibilité. Il y a une envie. Ah oui, très envie, oui. Une grosse envie. Bien. Ah oui. Et pourquoi, dans ce cas, ne partiriez-vous pas sur, je me permets. Vous connaissez les maquereaux, les maquerelles ? Non, mais je connais ma sœur et c'est un vrai maquereau. On va peut-être enchaîner. On va peut-être enchaîner. Bon, mais tant pis pour mon magasin, alors. Tant pis pour ton magasin. Un autre appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes bien la voyante, hein, de la radio, là ? Oui, vous auriez pas un petit problème de gorge ? Non, c'est cette famille. Excusez-moi, je vous appelle parce que j'arrête pas de féconder ma femme, mais cette conne, elle pond que des femmes. Moi, j'ai besoin d'un homme, vous voyez, pour la descendance, quoi, pour garder le nom, quoi. Est-ce que vous pensez qu'un jour j'arriverai à avoir un petit monsieur, là, un petit bonhomme, là ? Je sais pas quel est votre signe, monsieur. Je crois que je m'en fous, ce signe. Moi, je dois être scorpion, je crois. Scorpion, hein ? Ouais, je suis né en avril. C'est ça, hein, c'est bien scorpion. Ah, si vous êtes né en avril, monsieur, je sens qu'il n'y aura pas de possibilité. Ah, j'aurais que des femelles, là, dans la famille, ou quoi ? Ah oui, vous êtes scorpion ? Oui, scorpion d'avril, oui. Ah, forcément. Ah... Bon, je vais trouver une autre femme, je crois. Vous êtes disponible, vous ? On s'appelle ? Ouais, on s'appelle. Vas-y, je dois y aller. Mon cousin, il m'appelle. Vas-y, ciao. Allez, salut. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle avec la carte téléphonique de mon papa. Ce serait pour savoir qu'est-ce qu'ils font mes parents le soir et quand je suis censé faire dodo et que j'entends des bruits dans la chambre. Mais je comprends pas ce que c'est. Papa, il m'a dit qu'il faisait du bricolage un jour. Oui, tout à fait. En fait, ce sont même eux qui te préparent des cadeaux, à vrai dire. Ah. Tout simplement. D'accord. Dis-moi, mon petit, crois-tu en Père Noël ? Ah oui, le Père Noël, oui. Tu crois au Père Noël ? Oui. En fait, ils vont aider le Père Noël. Ils vont faire du bricolage pour aider le Père Noël. Ah, c'est super. Et pourquoi Maxence, il veut pas m'accepter dans sa bande ? Maxence ? Qui oui. est Maxence ? C'est un camarade de classe, mais à chaque fois, ils font des trucs cool avec la bande, ils veulent pas que je vienne dedans. Et pourquoi ils veulent pas que tu viennes ? Parce que c'est des méchants. C'est des vilains pas beaux ? Oui. Ah, tu comprends. C'est des vilains pas beaux. J'ai lu dans une série qu'on pouvait retrouver les gens avec des poupées vaudou et des choses comme ça. Alors j'ai essayé, j'ai fait une poupée vaudou, mais ça marche pas. Ça marche pas, non. Tu es sûr ? Tu as vérifié aux infos ? Oui, j'ai... aux infos ? Oui, tu as regardé la télé ? Ah non. Ah non ? Ah, ce serait bien de regarder. Ah, je vais aller voir ce soir, super. Tu es heureux ? Oui, merci beaucoup. Je suis heureuse d'avoir résolu ton problème. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, bonjour. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vous appelle, j'ai tout perdu. Ma femme, mon fils et mon job, je sais pas quoi faire. Calmez-vous, calmez-vous. Je vous appelle en dernier recours. Je vous cache pas que je vais faire une bêtise. Ah non, non, alors, reprenons. Expliquez-moi. Je j'ai pas d'avenir, je suis bon à rien, je sais rien faire. Je suis perdu. Aidez-moi. Alors, je suis là pour vous, monsieur. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas. Vous voyez bien un petit avenir radieux devant vous, quelque chose qui vous attire, quelque chose que vous voulez faire pour plus tard. De lueur d'espoir. J'aimerais partir, j'aimerais reconstruire ailleurs. Continuons, vous êtes bien parti. Vous voulez construire quelque chose, dites-moi. Être heureux, quoi. Sur une île déserte. Sur une île déserte, ouais. D'accord, creusée encore. Du sable. Avec du sable. Que faites-vous avec le sable? Un château. Un château de sable, donc. Bien, nous sommes bien partis. Continuez. J'y vois la mer, le coucher de soleil. D'accord, donc nous avons une belle plage avec la mer et un beau château de sable. Et un bar. Ok. Que faites-vous dans ce bar? Je bois. Ok. Je bois pour oublier. Bon. Où êtes-vous présentement? Là, je suis dans la rue. Il pleut. Je suis sous la pluie. Vous êtes sous la pluie? Ça mouille. Ça mouille, bref, la pluie ça mouille. Bien. Donc, vous allez rentrer chez vous. Vous allez vous faire un petit Game of Thrones, tranquillou, avec une petite bière. J'aime pas. Vous aimez pas Game of Thrones? Qu'est-ce que vous aimez alors? Dites-moi. J'aime bien. Joséphine, bah c'est parfait, ouais. Joséphine. Vous regardez Joséphine avec une petite bière, vous mettez un petit coucher de soleil avant de dormir et puis tout ira bien. Mais ça se met pas des couchers de soleil, comment vous mettez un coucher de soleil, vous? Mais vous écoutez les bruits de la mer, par exemple. C'est une maigre consolation. Bien. Bah écoutez, rappelez-moi quand vous voulez. Je suis là pour vous, mais n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas. Je vous rappelle dans 30 secondes. Merci beaucoup à tous pour cette improvisation. Bon, très gay. La voyante, elle s'est transformée en psychologue. Oui, ah, c'est exactement ça. C'est clair. En même temps, t'aidais vraiment les gens, du coup. Ah oui, bah, j'espère. On s'en sort que meilleur après l'avoir consulté. C'est vrai. Est-ce que t'as pensé à ouvrir une ligne comme ça? Peut-être qu'il y a des gens qui appelleraient. Il y a de la place dans le créneau Indestar, peut-être, pour créneau voyance. Il paraît que j'écoute très bien les gens, alors moi, ça me dérange pas, avec grand plaisir. Tu sais écouter, quoi. Ça formidable. On revient tout de suite après avec une histoire qui se passera dans une faculté. Et en attendant, on écoute Jasmine Thompson avec sa cover de Let Her Go. Let Her Go. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. Ouais, on a rien vu, on a rien entendu, tout va bien. Voilà, j'avais dit que je faisais tout bien parce qu'il y avait Théo dans cette émission. J'ai l'impression que tu fais aussi de l'impro avec les boutons. C'est ça. Sa première. C'est ta grande première ce soir, c'est ça? Non, pas du tout. Oh là là. 28 minutes quand même. Il a tenu 28 minutes. Oh, le charrieur. Et c'est mon record. Voilà. Ne te moque pas, Théo. Voilà. Lui, au moins, il bat des records, contrairement à vous le lundi. Non. Oh, c'est violent. Parce que moi, mon record, c'est 30 secondes. Mais ça, c'est un autre domaine, ça. Ah oui, d'accord. Monte ton sex shop. Et puis après qu'on en reparle. J'ai pas compris le truc du record du lundi. Voilà, t'écoutes pas le lundi. Starter, c'est dans Actu Solide. Ils essayaient de battre des records un peu pour rigoler. C'est pas une voiture de course. C'est une course. Photo qui traînait avec des gens en papier toilette. Ouais. C'est ça. Et tu sais, tu connais les normalement les défis que t'as pendant les mariages où tu dois être habillé entièrement de papier toilette. Là, c'était l'idée. Mais on doit pas fréquenter les mêmes mariages, je crois. Complètement raté, quoi. Pas les mêmes fréquentations tout court. C'est ça. On se marre bien dans cette émission, en tout cas. Mais on se marre beaucoup. Peut-être que je viendrai ce côté un jour. Ah, si mais carrément. Si c'est possible. Mais avec grand plaisir. Clairement. Formidable. Je voudrais juste rapidement faire une toute petite dédicace à mon petit frère. Comment il s'appelle? Qui m'écoute? Baptiste. Coucou. Dédicace à Baptiste. Salut Baptiste. Avant qu'il aille se coucher. Quel âge il a, Baptiste? Bonne nuit, faites boire. Il vient d'avoir 10 ans. 10 ans? Bah, bonne anniversaire. Oui, Baptiste, qu'est-ce que tu fais encore debout? Couché. Ça te vieillit un peu, non? Ah ouais. Tiens, on est 10 ans. Ah, et puis il a grandi, c'est un truc. Mais c'est bien, il a 10 ans, il faudrait l'inviter le 21 décembre. Ah, bah, carrément. Il est né en même temps qu'Indestar. C'est ça. Ils ont 10 ans, tu peux encore les exploiter, ça va. Non. Dans certains pays, c'est légal. Et hop, des chaussures. En tout cas, Baptiste, ouais, va te laver les dents. Elles sont sympas, tes nouvelles chaussures d'ailleurs, Mathilde. De... Merci beaucoup. Petit chien qui a fait des pompes. Mais oui, les 10 ans d'Indestar, le 21 décembre, bien sûr, j'y serai. Et j'y serai, on fera deux petites improvisations en mode j'ai vu de la lumière avec, avec des guests. Le 21 décembre, on pourra se moquer de Gaëlan, en plus, il sera pas là. C'est vrai. Il écoutera par contre, il sera encore plus drôle pour se moquer de lui. Salaud. Ok, on est reparti pour une improvisation sur le thème de la faculté. Pour la première fois de ma vie, j'irai en fac. Ouais. Pareil. Moi, j'ai certaines facultés, effectivement. Oui, mais on dira pas lesquelles. Donc, du coup, vous allez être tous les quatre des collègues étudiants. Mm-hmm. Ok. Donc, je vais vous donner à chacun des petits caractères. En fait, je vais balancer des mots comme ça et quand ça vous plaît, vous prenez. Vous levez la main, vous prenez. Ça, j'aime bien. Ok. Alors, il y en a un qui est pistonné. D'accord. Pistonné. Ouais, ok, allez, je prends. Ouais, Joachim est pistonné. Ouais. Donc, ton père a déjà des entrées dans le droit. Hein, dans le, s'il est avocat ou ça marche. C'est dans une fac de droit. Hein, j'ai mis ça dans une fac de droit. Voilà. Ok. Ça aurait pu assez dit. Moi, je suis démissionnaire déjà. Bah, attends, déjà, je rentre pas là. Donc, on a l'étudiant pistonné, l'étudiant je m'en foutiste. Oh, moi ? Ouais. Il dirait qu'il lui a donné en plus. Il n'y a pas de. Théo, il a dit même avant que je le propose. Donc, ouais. Il a entendu je m'en. Ah, c'est moi, je m'en. Je mens. On a l'étudiant communiste. Mathilde, ouais, formidable. Ok. Donc, les vraies personnalités ressortent, c'est bien. Lutte des classes, machin, plus, tout c'est ça. Faux, alors, bon. Et le dernier, Gaëlan, tu vas être le cancre. Ah, bah voilà. Ah, bah, ça me correspond assez bien. C'est parfait. On va bien s'entendre. Hein, tous les deux. Ouais. Donc, voilà. La situation que je vous propose pour commencer, c'est que vous allez être dans un amphithéâtre et il y a un prof qui fait un cours. Et ce prof, c'est même le doyen de la fac. Mmh. Seulement le doyen, alors aucune relation avec aucune fac, hein, mais ce doyen-là, il est liquide. Ah, liquide. Bah, c'est-à-dire qu'il dit des trucs, mais ça n'a pas vraiment de sens. D'accord. Et ça va moi qui va faire ce discours à la con. Mmh. Ok. Et ce qui va être intéressant, c'est d'entendre vos réactions à ce discours. Ok. Ah, nice. Donc on se parle entre nous. C'est ça. Okay. Et moi, je parle par-dessus, en fait. Ok. Cool. Enfin, je. Ah, c'est genre une grande. C'est une conférence, quoi, en gros. Une conférence, tout à fait. Ouais, okay, okay, en fait, je ferai des longues phrases avec des pauses qui vous permettent de placer des commentaires, tout ça. Ok. Okay. Ah, sachant cool. que je n'ai rien écrit, j'espère que je vais pouvoir faire de la merde très bien. Parfait. On a toute confiance. Et c'est de l'impro, hein, pour tout le monde. Ah, bah hein. Oui, complètement. C'est comme dans les séries à la télé, tu sais, quand il y a par exemple la télé en fond, etc. Et les gens ont le temps de parler, et il se passe rien à la télé oui, pendant ce temps-là. Vrai. Et après, ça reprend. Et donc le. C'est trop ça. Ça, c'est vrai, ça. C'est un bon timing, ça. Tu sais, genre, l'impression, on est derrière la télé, on est avec notre truc de popcorn et on bouffe, et tu réagis au truc, tu sais. Exactement. Et 24 morts et. Ok, on est parti pour cette improvisation. Le cours en amphithéâtre et c'est parti. Alors attendez, où c'est Ta-da. Ta-da. C'est du bruit. Donc voilà, vous pouvez. Bah, s'il y a du bruit et si t'es pas content, tu rentres chez toi. Moi j'aimerais bien rentrer chez moi. Non, mais je suis bien aussi, tu sais. Non mais tu sais ce que tu fais ? Moi j'aime bien. Tu prends des lunettes avec les yeux ouverts, des fiches collées, deux yeux ouverts. Et puis derrière tu dors. Et derrière tu dors. Ouais, c'est une bonne idée. Mais il faut faire attention de pas baver parce que ça, par contre, on te crame direct. Ouais. Votre attention s'il vous plaît. Ah, ça y est. Il est déjà là, lui. Relou. D'habitude, il est en retard. Là, il est à l'heure, comme par hasard. Mes chères têtes blondes, merci beaucoup d'être venues à ce cours de rentrée, hein, le premier cours de votre parcours ici. Eh, machine à café, elle est pas loin, non ? Et je veux pas dire, mais il a l'air un peu relou, le prof. Le droit. Qu'est-ce que le droit ? Le droit c'est a le contraire été... à la gauche ? C'est quand c'est pas penché. A été inventé par Philoctète, troisième du nom. Oh, un papillon. Grand descendant de la dynastie des Philoctétriens. Moi, j'aimerais bien descendre pour le coller une. Ouais, je sais pas, tu sais, on est bien là, regarde. Après ça, à l'époque mérovingienne... Bah, je suis mieux que chez moi. Hein. Jacques le Chauve... Jacques le Chauve, il parle de lui. ...a écrit le premier traité de loi qui s'appelle le traité de loi. Waouh. Mais c'est passionnant ce qu'il dit, disons, ce soir. Et pas la poule, hein, de loi. J'ai pas écouté. Cet ouvrage de référence... On est en cours de quoi, déjà, les gars ? Il préfère jouer au jeu. Ah. Et pas le jeu de loi. Jeu de loi. Attendez, je ne trouve plus mes fiches. On est en cours de quoi là ? Cet ouvrage de référence est encore disponible dans certaines librairies. On est encore de ce prof là en fait. Il n'y a pas de matière précisément, c'est juste le prof. Je sais pas si je suis dans la bonne classe déjà. Et je vous conseille à tous de le lire, hein. Il fait à peine 1500 pages écrit en grec ancien. Il y a quelqu'un qui a une série Netflix à regarder. C'est un conseil. Pour l'heure, le droit qui nous intéresse. Tu, ouais, bah, tu regardes un truc de Lénine, c'est bien ça, ça regarde, le dernier droit film commun. Sur Lénine, c'est pas mal. Ouais, regarde la Casa des Papels, c'est pas mal. Le t'as droit commun. C'est capitaliste et tout, mais j'aime pas, hein, franchement. S'il vous plaît, les quatre dans le fond, là. Eh, moi, je parlais pas, monsieur. Ça vous intéresse pas ce que je dis? Ah, ah si, si, si, monsieur. Ouais, ouais, ouais. Bah si, sinon je serais pas là. Ouais, mais je t'entends parler tous les soirs, donc au bout d'un moment... Bon, oh, tenez-vous à carreau. Oui, monsieur. Bah, ça tombe bien, j'ai ma chemise à carreau. tu connais la... Tu connais vous avez de l'esprit, banne. Jeune étudiant, ça me plaît. Merci. Allez. Non, il est pas simplé. Hein. Bon, pas à vous. Je continue. Elle est à toi, la chemise. Ouais. Non, bah, elle est à carreau. Elle est à carreau. Le livre, le traité des lois, a été importé d'Afrique du Sud. Quelqu'un pas une feuille là, pendant la colonisation papier, de la deuxième guerre mondiale de sécession. T'as l'air de fumer, toi. Les moi, Indiens partage, s'adressèrent aux Mayas en ces termes. Tiens, ça parle d'Indiens, ça devrait t'intéresser. Nos patates contre vos totems. J'ai lu Yakari quand j'étais gosse. Ce à quoi Superman a répondu. Comment oses-tu parler de ce genre de choses avec tant de simplicité? J'ai vu Astérix chez les Indiens. Superman a répondu à Napoléon. C'était presque un documentaire. Il lui a dit. Eh, mais il parle de Superman et de Napoléon? Pas dans mon jardin. Ils mais sont non, pas dans le même univers, pas, tous les deux. On a pas dans la même époque. Tu confonds. Tu confonds, c'est toi. Ouais. Ah, c'est... Ah. Attendez. Voilà. Après ce cours, les étudiants décident de se retrouver dans un bar. Oh, nice. Et donc, ils vont faire l'inventaire de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors oui, les études, ça te plaît ou pas? Parce que c'est la journée de rentrée, hein, je vous avais pas dit, mais c'est vrai que... Voilà. Donc, on se retrouve dans un bar. Même ambiance, il y a du monde. Waouh. Bon, vous avez pensé quoi? Vous avez écouté un peu ou pas la moitié. Moi, ouais, je l'écoute pas, je l'entends tous les soirs parce que en vrai, je vous l'ai pas dit, mais si je suis à la fac, c'est parce que c'est mon père le doyen. Quoi? Ah ouais, ouais, ouais, c'est mon père. Et du coup, c'est pour ça. Du coup, j'ai pu rentrer. T'as vu? Mais je m'en fous. J'ai pas envie d'aller à la fac, moi, tu vois. Hein? Mais tu vas faire quoi? Mais je le dis pas trop. Je vous fais confiance. Vous êtes mes amis attends, un peu. Vous êtes mes amis un peu, non? Ouais, ben carrément. Attends, tu pourras peut-être passer les. Ouais, ouais, j'ai même les solutions au contrôle. Ouais, quand il dormira, j'irai chercher les feuilles de contrôle et tout, les questions et tout, machin. Ça servira à quoi? Hein? Ouais, non, ça sert à rien, ça pour avoir un diplôme, tu vois, mais en vrai, il nous sert à rien dans la vie, les diplômes, ça sert à rien. Tu peux rouler une clope avec si tu veux, toi. Ouais, ouais. On peut fumer des pets, t'as vu? Moi, j'ai un pote, tu sais, et il s'est arrêté, genre au collège. Franchement, il est. Pourquoi il y avait un stop? Il est. Il s'est arrêté au collège, tu sais. Et franchement, aujourd'hui, il est peinard, tu vois. Alors qu'il est. Et il y est toujours au collège. Il est toujours au collège, non? Il est posé dans le canapé, là, de la cafette, non? Posé dans son canapé à lui, tu vois. Bon, après, moi, franchement, là, on est bien aussi dans le bar. Hein. Ah, mais qui voilà ici? Et qui voilà l'âge? Ce sont nos petites chères têtes blondes. Qui faisait la Java pendant mon cours. Eh, hey, bonjour monsieur. Eh, hey, était bien votre cours, hein. Bonjour, merci jeune homme. Bon. Passionnant, hein, vraiment. Moi je me suis. Bof. Ça m'a passionné. Vraiment. Un délice. Vraiment. Disons que je sais pas, j'ai. Enfin. Après, peut-être que ça sert à quelque chose, mais franchement, c'est pas ça qui va nous faire réussir dans la vie. Hein. Alors moi je tiens à vous dire, j'ai adoré, mais pas maintenant en fait. Comment ça, pas maintenant? Bah, peut-être plus tard, on verra. Hein. Plus tard quoi? Bah, peut-être que j'aimerais ça. Ah. Bon, vous avez pris des notes, jeune gens, faites-moi voir. Qu'est-ce qu'il aimera? Mon cahier. Moi j'ai. Pardon? Bah non, j'ai oublié mon cahier. Ah, dommage, pas de chance. C'est vous? Moi j'ai pas acheté de cahier. Pardon? Non, mais. Alors oui. Mais je lui ai prêté une après, un cahier t'acheté. Écologie, tout ça, tu vois. Et moi j'ai noté un petit truc, mais faut pas le dire. Et y a maman, elle tombe dans les escaliers souvent, tu vois. Et du coup, il faut que t'ailles chercher du pain ce soir. D'accord, mon frère. Mais faut pas le lire, hein, faut pas le lire. Oui, j'ai juste la note de l'addition, c'est tout. Si vous pouvez la régler, ça vous dérange pas? Je peux te faire la note si tu veux. Là. Vous êtes fatiguant. Bon, eh bien, avec ça, je vois que le droit français se porte très mal, hein. Vous m'avez l'air d'une belle bande de bras cassés. Il se porte pas droit? Toi aussi. Tu te tais, petit okay. être. Toi aussi, mon fils, je suis très déçu de ta conduite. Je suis pas là. Oui, non, car non, non. Je vais le dire maintenant. Je sais que tu ne voulais pas que je le dise, mais cet homme est mon fils. Et pour la première fois de sa vie, il dit que je suis un homme et je suis trop content. Non, enfin, cet homme, c'est une manière de parler. Ouais, trop tard, tu l'as dit, il a l'air. Attends, le mec, c'est un puceau, il se prend pour Napoléon, quoi. Mais jeune homme, je ne peux pas être puceau, j'ai un fils. Ah, mais peut-être que. Pas vous. Peut-être qu'il était dans une éprouvette. Mais lui, voyons. Mais moi j'ai 20 ans, laisse-moi tranquille. Normal, je suis puceau, t'as vu? Ouais. Moi, je respecte les femmes, mais je me respecte aussi, t'as vu. Ouais, t'as intérêt, petit. Et en fait, j'ai passé plein de ma veuve. Je vous parle, tiens. Bon, on fait quoi, les gars, là? Bah, la note, elle est toujours pas réglée, là. Faut faire quelque chose. Ouais, et cette note, vous feriez bien de la payer vous-même. Si vous me la faites payer, moi aussi, je vous le ferai payer avec d'autres notes sur vos bulletins à vous. Ouais, mais moi, le principe de l'argent, c'est surfait. Et moi, je m'en fous, je balance au serveur que c'est ton père, c'est toi qui paye. Hein. On se casserait pas là tout de suite. Venez, on se casse, venez, on se casse à l'anglaise, on court. Venez, encore, cours, venez, encore, cours. C'est relou, je sais pas courir. Vas-y, cours, allez, vite, cours, Kevin. Et je vais revenir chaque mardi. Bah, très bien cette improvisation. C'est là. Trop bien. Hein. C'était très drôle, soldat. En vrai, au départ, je me suis posé beaucoup de questions en mode mais comment je peux faire comprendre que je suis pistonné? Et après, je me dis en fait, juste à dire que le doyen c'est mon père, il va Ouais, c'est ça. Moi, je savais pas, tu sais. Communiste, Oui, même communiste, j'avoue. Comment tu fais passer ça? Bah, il a parlé d'Indien, donc. Eh oui. Non, bah très bien, ça marchait. Très bien. Ça va, on comprenait bien? En vrai, c'est cool. Hein. Oh, je pense, cool. Ouais. Oh, j'espère au début que ça se comprend. Oui, non, oui. Ah, j'ai kiffé Yann. Ah. C'était top. Ouais, il a bien fait. Nonchalance qui était. Ah, génial. J'ai fumé avant de venir. Ah, ça explique des choses, d'accord. Et t'avais presque pas besoin de le dire, ça se voyait un peu. Ah, oui. Bah, même, tu vois, là, on est dans la radio sans image, mais on voyait tes yeux rouges, tu vois. N'est-ce pas ? Il suffit de fermer un petit peu et on voyait tes yeux rouges. Ah, vous l'auriez vu, il était accoudé, nonchalant. En off, tu me diras le nom de ton fournisseur, t'inquiète. Ouais, non, mais. Pas de problème dans cette émission, s'il te plaît. C'est totalement faux. Ah, oui. On est tout à fait ça. Clin d'œil. En tout cas, officiellement, en tout cas. Oui. Exactement. Avant la prochaine improvisation, on écoute Mashed and Catcher avec Dance Monkey et Bautista. Ah, trop bien celle-là, j'ai déjà écouté. Bah, on a mélangé Tons and I avec le titre Dance Monkey et le dance de Justice. Ah oui, j'adore. Ça me disait quelque chose, ça. Ça, c'est bien. Et ben on écoute ça et on reprend les impros. À tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière, 21h-23h. Sur Indestar. Alors on est entré. On est reparti jusqu'à 23h et pour relancer, on fait des bisous à Baptiste, 10 ans, qui a réussi à négocier de rester éveillé jusqu'à 22h. Il lui reste un quart d'heure, la chance. Donc bravo de ta négociation, Baptiste, on est tous avec toi, big up. La prochaine fois, tu feras un sketch avec nous. Oh oui, ça me va. On verra. S'il bosse bien, Baptiste. Dieu a parlé. On est reparti sur une histoire. Une histoire qui parle de quoi? Où est ma fiche? Ouais, parce qu'avec ses dédicaces, moi je sais plus. Facile. Baptiste, c'est ta faute si je galère. Hein. Il est tout content, il rigole. Une histoire de détective. Voilà sur quoi on repart. Donc, alors je l'ai appelé Sale Histoire Gamin. Enfin, ça passe mieux avec l'accent des vieux flics là. Sale Histoire Gamin. Ah oui, du détective. Tout de suite, noir. Ouais, ça passe bien. Polar noir. On appelle Derek, tu veux? Donc, c'est un peu le lire. On va s'entendre. Donc, il va y avoir deux scènes différentes parce qu'il n'y a pas d'histoire de détective sans histoire de meurtre. Ah oui. Mm-hmm. Donc, c'est qui qu'on tue ce soir? Ah bah ça, ça va être question. À vous de décider. Si, en fait, c'est moi. Non, on va te tuer. Non, c'est moi, ouais. Parce que comme ça, mon personnage il crève et comme ça, c'est à vous après. D'accord. Donc, je vais avoir besoin de deux personnes. Pour la première scène, bien sûr. Après, il y aura d'autres personnes. Ouais. Ah, Gaëlan est chaud. Gaëlan, tu vas faire la femme infidèle. Je sais pas pourquoi, je l'ai senti. Je me dis, d'habitude, je suis spontané. Là, je sais pas pourquoi, faut pas le faire. Je sais pas pourquoi. Non, Gaëlan, tu vas faire le conjoint infidèle, écoute. Ah, ouais. Oh, il est heureux, conjoint. Il est vraiment heureux. Donc, il a l'habitude, c'est un fantasme. Tu es mon mari infidèle, Gaëlan. Ok. C'est parfait. Et je vais avoir besoin d'un autre collègue qui va jouer, qui va faire l'associé, mon associé à moi. Joachim. J'ai le droit d'être misogyne ou pas? Misogyne? Si j'ai tué ma femme, non? Non, je tue pas de. Alors non, Gaëlan. Comment te dire? Tu es mon mari en fait. Vous êtes ensemble. Ouais. Voilà. Ok. Et voilà. Je t'ai pas tué. Ah bah ça on sait pas. On sait pas encore. Attention. Le but en train de spoil. Et toi donc Joachim, tu vas faire mon associé à moi. Ok. Qui est un petit peu véreux. D'accord, j'aime bien l'argent quoi. T'aimes bien l'argent et voilà. En fait, je vais vous dire un truc. Non, je vais pas vous le dire d'ailleurs. On va le faire. Okay. Un truc. Et puis, et donc là, on est tous les trois. Donc moi, mon mari Gaëloun. Okay. Ouais, je change un peu. Et Joachim. Et Joachim, on est en train de dîner chez moi. Dîner, tout ce qu'il y a de plus cordial. Est-ce que c'est bon? Je suis un mec ou je suis une fille, tu m'as pas dit? Toi, tu es comme tu veux, un mec. Je sais pas, mec, je suis un peu des deux des fois. Non, ça va être plus simple. Je sais pas encore dîner, je sais pas. Non renseigné. Je suis non binaire d'alors. Voilà, on est prêt? Et bah après, Théo et Mathilde, vous ferez d'autres rôles juste après. C'est okay. Parti. Oh. Attends, excusez-moi. Voilà. Ah, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aujourd'hui. Eh, hey, salut. Ah bah ouais, ça fait du bien en plus ce petit dîner là. Tu connais ma femme, Joachim? Oui, oui, je connais ta femme. Mon homme. Hein. Homme. Oui, attends, fais attention, chérie, quand même. Oui, excuse-moi. Oui. Fais gaffe, je sais couper du bois, quand même. Comme tu m'avais dit, ça dépend des soirs, quoi. Non, enfin... Comment ça... Qu'est-ce que t'as dit, là? Tu te souviens? Non, non, moi, c'est... pas répéter, ça, aussi. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est pour les billets que tu m'avais mis sur la poche. Faudrait que je me taise. Quel billet? Non, non, rien. Parce que j'aime bien l'argent. Non, tu savais que j'aime bien l'argent? Ouais, ouais. T'as de l'argent pour moi, s'il te plaît? Oui, non, alors... Bon, alors... Ce que tu portes, j'ai mal... Marjolaine, le poulet, s'il vous plaît. D'accord. Le poulet arrive. Avec ou sans la moto? Avec ou sans quoi? La moto. C'est pas drôle? Ah, tu as cet humour, Joachim, que j'aime bien. Je ne comprends jamais, mais à chaque fois, je trouve ça rafraîchissant. Ça fait réfléchir, quoi. Bah, si t'as qu'à prendre un Perrier, hein, ça sera rafraîchissant. Ah, ça me fait du bien d'être avec vous. Des personnes de confiance. Ah, ça détend un peu. Oui, enfin, elle est surtout bien quand elle est avec moi. Oui, mais ça me regarde pas, hein, c'est vos affaires. Hein. Ouais, je préfère le prévenir. D'accord. Enfin, le souligner dignement. En tout cas, je dois vous avouer que la boîte va très mal et mes affaires périclitent en ce moment. Oui, oui, d'ailleurs, moi je perds de l'argent en plus et j'aime pas trop ça. Hein. Ah bon? Bah et oui. C'est vrai que tu es actionnaire. Bah oui, j'aime pas trop perdre de l'argent, moi. Écoute, t'inquiète pas, c'est une mauvaise passe, mais ça va passer. Bon, sinon, bah, faut prendre un nouveau joueur, si on fait des meilleures passes, peut-être on y arrivera mieux. Mmh. Peut-être parler d'autre chose, là, j'ai l'impression de me sentir comme la cinquième roue du carreau. Non, ça parlait non, d'action, chérie, tout ça. On va penser que je suis ton gigolo, là. Quoi? Ouais. Oui, mais enfin, l'autre jour, j'étais quand même surpris avec quelqu'un d'autre dans la rue. C'était... Oui, bah écoute, je lui refaisais ses lacets. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ok? Non, d'accord. C'est peut-être moi qui psychote, en effet. Mais ouais. Ça veut rien dire, les lacets. Bon. Ça dépend de la taille des lacets, après. On va prendre le plat principal. Cipal. Voilà. Ça, c'est la scène d'exposition. D'accord. Et donc okay. Là, à partir de là... On va être le lendemain où il y a Théo qui est détective et Mathilde qui est détective. Il y a un détective et un assistant. Donc voilà, vous débrouillez. Hein. Tu fais Sherlock, je fais Watson au choix. je sais pas. Bah ouais. Pourquoi pas Laurel et Hardy. J'aime bien Sherlock et Watson. Mais je crois que Laurel et Hardy c'est pas des détectives. On est collègues. On est collègues. Voilà. Il y a pas de. Il y a pas d'hierarchie. Il y a pas d'hierarchie. Moi, ça et ça part dans l'arme fatale peut-être. Si tu veux. Qui c'est qui fait le bac? Donc, vous arrivez directement sur la scène de crime qui est ma maison à moi, et c'est moi qu'on a assassiné. Juste, et on t'a retrouvé là, ouais. À la suite de ce dîner. C'est ça. Okay. Et on les laisse intervenir que deux ou on... Alors, pour l'instant, il n'y a que deux, et okay. Ensuite, oui, vous allez bien sûr être les. Interviewés pas les coupables, mais les. Ah merde, déjà. Quelqu'un là, on est cinq. Les soupçonnés, les suspects, les suspects. Merci. Les suspects, merci. Les suspects. Heureusement que Mathilde est là, quoi. Pas. C'est une détective, c'est pas une détective pour rien, quoi. Ok, vous arrivez sur les scènes du crime et vous constatez que j'ai été tué avec un couteau. Voilà. D'accord. Un couteau de table. Un couteau. Oh. Ok. Attendez, je vais mettre un petit truc un peu plus. Voilà, c'est parti. Bonjour. Ah. Alors. Bah, je vais pas qu'est-ce vous que répondre. Nous avons. Je suis mort, moi. Non, il y a des témoins, il y a des suspects. Oui, non, sur non, place. Pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, ah bah, faut nous préciser aussi. Non. J'ai dit, mais t'as pas écouté. On n'a pas écouté. Bon, bref. Il y a quelqu'un? Ah, bah non, il n'y a personne. Bah non, il n'y a personne. Ah. Bon, qu'est-ce que nous avons là? Oh, c'est moche. Oh, c'est, oh, très, c'est très moche. Moche. C'est très moche. Oh là là. C'est un corps. T'es sûr? Ah bah. Il est bizarrement foutu quand même. Figure-toi que j'en ai vu quelques-uns. Et là, ça ressemble typiquement à un corps. Un corps de sexe masculin. Il y a quand même des choses qui portent à confusion, je trouve. Bah, tu trouves que c'est pas assez long? Ouais. Il manque des bouts. Ouais. C'est bizarre. Ah ouais, c'est vrai qu'il manque la tête. Et il manque un truc, hein. Ah, je me disais ouais, bien. Tu vois, autant j'avais pas vu ça. Ah puis attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, j'ai le même à la maison. Et il vient, hein, il coûte bien. Hein. Ah et tu sais que celui-là, je te le conseille parce que franchement, j'avais acheté un autre modèle avant, tu vois. Il était vachement moins bien. Celui-là, il est terrible. Terrible. Si je peux me permettre, vous êtes quand même, vous êtes payé pour faire ça. Ah oui. Ça voilà. Tout de... Mais ils le font bien, moi je trouve. Hein, c'est bien. Ah bah, ils c'est le font très bien, mais j'ai le même à la maison. Voilà, on est reparti. On parle pas du cadavre. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? T'as apporté tes gants? Je crois que je les ai oubliés dans la voiture. Attends, je reviens. Putain, vous êtes payé pour ça. Pendant ce temps-là, je vais voir ce que je peux trouver dans ses poches. Tiens, il y a un portefeuille. Il y a des papiers. Il y a de l'argent. Ah, ça, c'est pour moi. Alors, c'est donc. Confirmation, c'est bien un homme. Oh putain, il y a un truc dans l'entrée dégueulasse. Il y en a partout, c'est dégueu. Un chien? Non, ça sert. Non, c'est du sang, mais il y en a partout. Et puis il y a un truc qui pend, c'est bizarre. C'est je une sais tête pas. Ah bah peut-être bien. Ah, ça voilà, logique. On l'a retrouvé. Ah bah voilà. Et bah voilà. Ah, le téléphone appel. Sonne. Je crois que c'est le tien. Bon. Allô. Ouais, détective Bougret là. Oui. Oui, qu'est-ce que vous foutez sur les lieux du crime là? On a interpellé les deux suspects. Faudrait venir les interroger au commissariat maintenant. Ah, déjà? Ben non, on était en train de refaire le puzzle en fait là. Ouais, oubliez pas que j'ai un micro posé sur votre veste, j'entends tout ce que vous dites. Hein. Ah, ben du coup. bon, on arrive. Ouais, c'est ça. On arrive pas trop. Maniez-vous le cul. Plus tard. Ils arrivent bien évidemment au commissariat dans la salle d'interrogatoire où est monsieur Joachim, l'associé de moi-même qui est mort. D'ailleurs, c'est méta, je pourrais pas parler normalement. On y retourne. Bon, Matou, on joue les détectives là. Attention, tu commences ou j'y vais? Vas-y, tape en premier. Ok. Alors à vous. Dis-moi tout. Je sais que c'est toi. Mais en même temps, elle savait pas cuisiner du poulet. Mais non, mais je l'ai pas tué. Mais par contre, je l'ai pas. Mais son poulet, il était vraiment pas bon, par contre. Tu l'as pas tué. Elle mérite. Non, mais c'est pas moi. Je l'ai pas tué. Moi, je pourrais pas faire de mal. Silence. Pardon, monsieur. Bon, on va reprendre depuis le début. Oui. Ok. Dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en train de dîner. Oui, on était en train de dîner et puis d'un seul coup, pouit, plus personne. Comment ça, pouit, plus personne? Comment ça, ils ont disparu? Non, oui, je sais pas trop. Je m'en rappelle plus. Je crois que j'ai vu. Attention. Oui. Attention, toi. Hein. Pourquoi? Il y a une mouche? Tu veux prendre pour combien là? Tu veux prendre la perpète? C'est ça que tu veux? Non. Nous bon, alors vous étiez en train de dîner, qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais plus, un peu après un moment, bah j'étais bourré. Donc blackout. Blackout. C'est ce que tu es en train de nous dire. C'est ça, j'ai vu du jaune, du rouge et puis j'ai vu des papillons. Ça. Ouais, c'est ça. Et toi là, le petit là? Ouais. Quelle est ta version? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Eh ben ça parlait toujours de fric. C'est-à-dire, pourquoi ça parlait de fric? Écoutez, c'est une affaire entre... Non, c'est une affaire qui nous concerne. Oui, bon, bah là, c'était une affaire entre l'associé de ma femme et ma femme. Alors, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'associé de votre femme? Je croyais que c'était un homme. Femme. On parle de fric? Oui, bah, c'est une femme-homme. C'est une femme ou c'est un homme? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça dépend des soirs, arrêtez de juger comme ça. Nous, on a détecté que c'était un homme. Ok. Peut-être y a-t-il confusion sur l'identité de la personne. Administrativement parlant, de manière... Écoutez, là, pouf, plus rien, plus d'électricité. L'autre, bah là, à côté, il est... Pompette. Ils me font chier là. Il est pompette. Voilà. Moi, j'ai rien à me reprocher. Tant que vous avez pas de preuves. Attends. T'es d'accord avec moi, son poulet était pas bon, non? Je suis innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, bien sûr. Alors, vous voulez la jouer comme ça? La justice, d'accord. Vous voulez la jouer comme ça? Ok, on va la jouer comme ça. Comme vous voulez. Je n'ai plus rien à perdre. Alors, moi, je vais vous dire les choses. Peut-être le poulet de ma femme, peut-être. Mais non, je n'ai plus rien à perdre. Qui avait préparé le poulet? L'autre Conchita, la servante. La servante. Ouais. Auriez-vous son numéro? Non, c'est moi. Bonjour, madame. La servante est là. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre version des faits? Eh bien, j'étais en train de préparer le poulet, ensuite j'ai amené le poulet et j'ai mis de la sauce dessus parce que je sais que monsieur aime bien quand je mets de la sauce dessus. Mmh. Donc je mettais la sauce dessus et au moment où je mettais la sauce dessus, paf, plus de jus. Bon, d'accord, on a compris, il y avait une panne d'électricité à un moment donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la panne d'électricité? Après, il y a eu le générateur de secours, il me semble. Oui, mais il s'est rallumé que 20 minutes après. Oui, bah, qu'est-ce qui s'est passé après, dans ce laps de temps? Il n'y avait plus personne, sauf le corps de monsieur et les deux invités étaient partis. Et, alors, où êtes-vous parti? Parce que vous, monsieur, vous étiez bourré, c'est bien ça? Oui, du coup, je suis allé dans un bar parce que j'avais mon copain Bertrand, il m'a appelé pour aller boire un petit canon, tu vois. Et puis en plus, il y avait le match Paris-Marseille, alors du coup, on a été le voir parce que moi, je suis supporter de Marseille, puis lui de Paris. Ouais, et... Vous voulez savoir la suite pouvez-vous juste m'expliquer comment vous avez fait pour aller de la maison de monsieur jusqu'au bar en étant bourré? Vous connaissez cette chose? Vous connaissez le nouveau véhicule qui vient de sortir, le BMW double pied? Avec mes petites pattes, hop, je me suis déplacé jusqu'au bar. Et puis voilà. J'étais pas très très droit, mais. Oui, j'étais pas très très droit, mais. Et la Conchita, là, ça fait en 20 minutes d'extinction des feux, vous avez rien entendu, vous n'êtes pas douté qu'à un moment donné il y avait, je sais pas, vous avez pas entendu des coups de couteau, vous avez rien entendu. Mais monsieur, j'étais parti à la cave pour activer le générateur de secours. Pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes. Bah je tâtonnais, je vois rien, je suis plutôt calme. Voilà, moi. Su trouver la lampe torche quoi, mais c'est son boulot. Oui vous, on vous entend pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 20 minutes? Pourquoi êtes-vous parti d'ailleurs? Ça ne regarde que moi, mais comme j'avais prévu. Non, ça nous regarde aussi, monsieur. Ça regarde la justice, ça regarde l'État. Je suis en train de le dire. Top. Bon, écoutez, les deux agents, là, Pedrolito et Pedrolita, là. Il me faut un coupable, d'accord? Ça dure depuis trop longtemps, cette histoire, alors. Du coup, quelles sont vos déductions? Ah, les déductions, c'est que c'est pas la Conchita. Non, je pense que c'est pas la Conchita. Elle a plus l'air toute jeune. Non. Je la vois mal faire ce genre de choses. Ouais, c'est pas notre bourrelle. Sachant que le corps a quand même été découpé, donc ça montre qu'il y a un crime passionnel. C'est quand même fait au couteau. Mmh. Donc je pense qu'il y a un crime passionnel. Et peut-être que le mari est bouché. Et quoi ? Il est bouché. Ah, tu vois ? Et ça a été découpé au couteau. N'importe qui ne ferait pas ça. Bref, je pense pas que ça soit l'autre bourré qui puisse découper aussi droit. Ce serait très étonnant. Donc... Sachant que quand même, il était bourré, il est allé jusqu'au bar. Donc ça veut dire qu'il était encore conscient. Ouais, encore conscient, mais... pas si habile. Non, moi je pencherais plutôt pour le tapette là. Tu sais, le mec. Contre les homosexuels ? Non, absolument pas. La tapette à mouche. Oui, bien sûr, rattrape-toi. Bien, quel est ton. Le mec, il sait pas si son mec est un mec ou une femme là, tu sais. C'est vrai que c'est étrange. Il a rien dit. Il s'est tu. Votre déduction. Oui. Enfin, je pense qu'on penche tous les deux pour le mari. Ouais. Ouais. Le mari, hein, c'est ça. Ouais. Je savais bien que c'était une erreur de vous balancer sur une affaire comme ça. Non, on avait mis une caméra de surveillance dans la maison. On savait qu'ils en voulaient à sa vie, mais non, en effet, c'est un suicide. Hein. Il allait pas bien ces derniers jours. Donc, avec ça un couteau prouve... Il oui. s'est tué avec un couteau et ah bah il s'est oui. coupé la tête. Ah bah oui. Il coupe vachement droit. Hein. Oui, il coupe vachement droit. Ça, il en a, tout il cas, a de la... vous ne me hein. servez à rien, donc vous êtes viré par la présente. Ah, par qui? Ah, merde. Voilà. Un peu trop de boutons là sur la console. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait comme Chita là c'est ça. C'était un suicide, sérieusement. En vrai, genre, trop bien la chita, je m'y attendais pas. Et... Voilà. Wow, petite chute à la con. T'es bon, non, mais t'es bon. Tu es très continue. Très on devrait l'engager, le Clément est bon. C'est facile avec une caméra. Et on fait des bisous à Baptiste qui va se coucher à l'instant où l'on parle. Bonne nuit. Il a écouté la fin et la chute au moins, c'est bien. C'est vrai que t'es bon, Clément, t'as déjà pensé à faire une émission de radio? Non, c'est une idée de merde. Oh, quelle bonne idée. Bah, c'était cool cette improvisation, j'ai bien kiffé vous. Ah, voir. Yes. Non mais Clément, il fait animateur radio et en parallèle, il fait un autre job. Tu peux enchaîner avec la musique ? Oui, je fais DJ. Alors, on écoute tout de suite Marie Chérier. Avec ? Quoi ? Avec, en parallèle. Ah, c'est bien fait. DJ ? Hey. Il a pas compris. Oh, j'ai compris. C'est dommage, j'avais aidé et tout. En parallèle. C'est ça, hein ? C'est ça la blague. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, jusqu'à 23h et on est toujours en compagnie de nos compars, donc Gaëlan, Joachim, Mathilde qui envoie un SMS d'ailleurs. Ouais. Qui dit bonne nuit à son petit frère. Exactement, je suis en train de lui dire bonne nuit. Ah, il a dit quoi? Trop mignon. Bah, il m'envoie des photos. Oh, d'accord. Ah. Oh, avec, en train de regarder l'émission. L'émission. Il est content des dédicaces qu'on lui a fait. Je crois qu'il est content. Ah, c'est super. Et donc Théo, Théo qui découpe le fromage venu. N'importe comment. Oui, alors est-ce que tu veux en parler ça? Mais si tu veux, mais c'est une vieille habitude que j'ai, une mauvaise habitude. Je sais que quand je découpe du fromage, tu sais, t'as la peau autour, et j'ai tendance à pas prendre la peau, donc en fait je fais des sortes de C. Tout à fait. Des demi-cercles. Et plus c'est ça vraiment va. Vraiment une demi-lune. Ouais, c'est ça. Et plus ça va, mais à la fin en fait il reste que la peau. Mais alors, quand je suis tout seul à manger le fromage comme à la maison, ça va. Tu déshonores le fromage là, que j'ai emmené quand même. Tout à fait, parce que tu es conscient que ce que tu fais de ce problème, excusez-moi, j'en fais un cas un petit peu d'état, une affaire d'état, c'est un peu ça. Tu conchis dessus, quoi. Oh, mais ça va, c'est que du fromage. Tu on va pas en faire comment tout un fromage. Tu prends tout le milieu du fromage qui est en principe le meilleur et tu laisses la croûte aux autres en fait. Mais non, mais en fait, la croûte, personne ne la prend, la croûte. Et non, d'accord. Et toi, tu la laisses aux autres. Mais non, en fait, je l'enlève. Le fromage que tu laisses aux autres, c'est prenez ma croûte, moi je n'en veux pas. Mangez, vous valez moins que moi. Tu sais que le rôle de communiste, c'était tout à l'heure, hein, c'est fini. Hein. Bon, j'avoue que c'est pas très classe. Okay. Pour la peine, tu rappelles. J'amènerai plus de fromage. Ouais. C'est mon seul défaut. Tu paieras ton fromage la prochaine fois. J'aimerais tellement. Bon, ça fait une heure qu'on est ensemble. J'espère que vous passez un bon moment en tant qu'éditeur. Et que nous, vous... oui, en tout cas. Ah bah formidable, c'est ce que je voulais vous demander. Vous passez un bon moment ? Eh bah écoute, ça va pas mal. D'accord, il s'en mentir. Pas mal. Bon, alors si on doit tout dire vraiment. Franchement, 3 minutes, je crois que ça suffit pas. Hein. Ah oui, hein. Je ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. C'est ça. Oh là là. C'est Terminator, ça, non ? Ouais, on a un truc comme ça. On peut en profiter pour rappeler que cette émission, comme d'ailleurs toutes les émissions de la grille, sont disponibles en podcast. Oui. Sur Indestar et plus de 20 plateformes différentes. Exactement. Et plus de 20 plateformes. Joachim, quand t'es dans ta voiture. Quand j'en aurai une. Quand t'en aurai une. Voilà. Tu me prêtes la tienne. Tu te dis qu'est-ce que je vais écouter. Voilà. Hop, ça marche pas. Non, ça, c'est non, nul. C'est bah, je mets le téléphone. Boum. Là, c'est nul. Et là, c'est tu nul, t'écoutes. C'est nul. Et paf, je m'écoute. Ça. Voilà. Et là, c'est bon. Là, c'est la joie. Là, c'est la bonne entente, la cordialité. C'est la bonne humeur, voilà. Sur Indestar. Tout à fait. Je voulais dire autre chose, mais j'ai complètement zappé. Alors, ouais, tu le diras pas. Voilà. C'était pas important. Nous, il y a une heure. Non, il y a une heure, oui, ça fait un petit moment. Il nous reste une heure d'émission. On se retrouve juste après cette musique de Tiffany Page, une cover de Supermassive Black Hole de Muse, si je me souviens. Et ça va être quoi le prochain sketch ? Le prochain sketch, c'est celui que vous attendez tous. Oui. Ah, c'est le René Latope, je sais pas quoi. Amour, gloire et René. Amour. René, voilà. Ouais, le fameux Amour, gloire et René qui revient encore une fois, tel un phénix ressortant des cendres. Et on écoute la cover dernière de Supermassive Black Hole, tout de suite sur Indestar Divis. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h. Sur Indestar. Tout à fait, jusqu'à 23h sur Indestar. Et on fait des bisous à Baptiste qui dort en ce moment, donc il n'entend pas cette dédicace, ça ne sert à rien. Il va en parler toute la soirée. Il va l'entendre demain. Là, ça me fait marrer d'avoir un fil rouge comme ça. Mais ouais, mais tu sais, tu ferais une dédicace à, je sais pas, à Bertrand. Ah, coucou Bertrand. Bah oui, on a sûrement un Bertrand. Qui écoute ? Ouais. Bah oui. Et bonjour à tous les Bertrands de France. Et tous les autres d'ailleurs. Non, juste les Bertrands. D'accord. France et de Navarre. Ah bah, moi, je fais des bisous Bertrand, juste Bertrand. Notre prof de son. Ah bah oui, qui est très cool. Bertrand comment ? Tu dis ça voilà, parce qu'on en a l'antenne ou c'est compliqué comme nom de famille. Ouais, non. Oui, il prend des canons avec ses. Un coucou à tous les Bertrands, voilà, tout se passe bien. Surtout Bertrand Delanoë. Alors, du coup. Alors, ouais. Alors. Donc, on repart avec une improvisation, bah, un petit peu le phare, le porte-étendard de J'ai vu de la lumière. Amour, gloire et René. J'ai pas suivi les dernières Du verbe renaître ou. Non, René, de, comme René. René de Céline Dion, tout ça. D'accord. Bonne référence. Donc, Amour, gloire et René, c'est une improvisation en mode soap opéra. Donc, tout ce qui est amour, gloire et beauté, les feux de l'amour, des choses comme ça. Et les garçons ouais. Ouais, si, oui, un peu oui, le délire, oui. Ouais. Oui. Où on parle comme ça et on fait des grands monologues sur nos sentiments. Parce qu'on est des personnages profonds au final. Toutes les femmes sont cocues presque. Bah oui, il faut qu'il y ait 115 épisodes en même temps. C'est ça, faut bien meubler. T'es gentil, mais le scénario, quand il y a 115 épisodes, oui, c'est plus dur. Donc, du coup, René est à la base un fabricant d'Abesland pour les médecins. De quoi un petit peu l'histoire. Oui, si, tu vois, quand tu vas chez le médecin et qu'il te dit et qu'il te baisse la langue avec son truc dégueulasse en bois là. D'accord. Et bah, René, il fabrique ça. D'accord, ok. Donc, et t'as appelé ça comment ? Abeslang, d'accord. C'est, okay. C'est le terme consacré. Ok. Non, mais je connaissais pas du coup. Bah, je me coucherais mon con. Voilà. Et donc, du coup, après, il faut un remonte-langue pour le remettre à sa place. Ça fait du business. Donc, René. Alors, laissez-moi parler. Voilà. Alors, René fabriquait des Abeslang pour les médecins. Seulement, le problème, c'est que les médecins ont commencé à en fabriquer en métal. Et donc, René s'est retrouvé bien nu. Et il ne pouvait plus fabriquer. Donc, il se reconvertit. Ses bâtonnets de. Ses Abeslang servent désormais de bâtons de glace. Sauf que plus tard, René a été inculpé pour des affaires de corruption avec la mafia. Donc René a été enfermé en prison. Mais là, dans le dernier épisode, il s'est évadé. Et pendant ce temps-là, son fils a repris l'entreprise et a entrepris de changer toute l'entreprise, de faire un immense skatepark de l'entreprise. Un skatepark ? Ouais. Okay. Parce que son c'est fils, top. Il s'en fout des abeslangs, des bâtonnets de glace. Lui, ce qu'il veut, c'est faire du skate. Ouais. Ok. Et ça, tout ce que tu nous racontais, c'est ce qui s'est passé dans les épisodes précédents à l'antenne ? Ouais, c'est ça. D'accord, précédemment, okay. Dans Amour, gloire et René. Épisode combien du coup là ? Là, c'est je sais plus, 576. 576. À peu près. Je crois que c'est 5ème. Sachant qu'il y a un épisode que j'ai viré parce que c'était trop compliqué scénaristiquement, je m'étais barré. Donc, pour prendre la chronologie officielle, il y a un petit épisode que j'ai passé sous silence. Bon, ils font ça aussi à la télé. Ouais, oui, c'est ça. Donc, du coup, j'avais besoin d'un René, d'un ou d'une René, bien sûr, parce que Gaëlan, formidable. Ouais. Moi, je suis la taupe. La taupe de quoi? De René. La taupe de René. Oh, oh putain. Oh là là. Waouh. C'est mouchard quoi qu'on appelle. T'es pas si mignon que ça. Bon bah alors Théo, je suis désolé, on interrompt l'émission à cause de toi. Non, je déconne bien sûr. Voilà. Mais tu vois ce qui se peut, qui peut oui, arriver. Oui, j'ai très peur. J'ai tout le pouvoir ici, donc calme-toi. Donc Gaëlan, René formidable. Et je vais avoir besoin de quelqu'un qui va faire le fils de René. Ah, je veux bien. Ouais. Bon fils. Ouais. Donc le tu vas faire le fils de René. Donc je rappelle que René s'est pour évadé. La continuité. René s'est évadé de prison et donc il va devoir trouver un nom d'emprunt. Donc ton nom d'emprunt René, ça va être Neuré. C'est vachement malin. Non, il est malin, tu vois, c'est du verlan. Malin, et Neuré, dans, cet, que épisode, dit, dans cet épisode, Neuré, tu vas essayer de te faire embaucher par ton fils, du coup, qui est le patron de ta boîte. Il va se customiser un incognito. Incognito, oui, tout à fait. Patron incognito, comme ce soir-ci. Toi, tu sais que c'est ton fils. Mais bien sûr, toi, Kevin, ouais. C'est Kevin, bah oui, évidemment. Kevin ne sait pas que c'est son père qui l'a en face de lui. C'est le genre de rôle qui l'affecte particulièrement. Le rôle de Kevin, qui lui suivra toute sa vie. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. J'ai pas compris la dernière phrase, je dois faire quoi moi? Toi, tu fais passer un entretien d'embauche, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ah, à mon père. Tout à fait. Ouais. Oui, mais sans que tu saches que c'est lui. Pour toi, c'est juste un candidat quoi. Oui, c'est d'accord. Il est custom et tout. Okay. Ah, tu le reconnais pas quoi. Et donc René va bien sûr essayer à tout prix de se faire embaucher et donc d'avoir un poste très important pour garder sa patte sur son entreprise à lui qu'il a créé de ses propres mains. Oui, Mathieu. Sachant que ça doit être en mode telenovela, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh. Ok. Et du coup, Mathilde et moi, on intervient plus tard, j'imagine. Oui, c'est ça. Ok. Personnage. Est-ce que vous avez des questions? Par exemple, sur le poste que tu vas convoiter, Gaëlan, tu veux une indication C'est peut-être. Je vais fabriquer les skates, c'est ça? Ouais. Ok. Fabricant de skates. Un artisan, quoi. Ok. Artisan? Ah ouais, non. Artisan non, non. Du faut que tu fasses directeur des ventes ou un truc comme ça. Ah ouais, directeur, ouais, ou responsable du stock ou un poste haut genre, pour être en lien avec ton fils, du coup. D'accord. Voilà. Et je te donne le droit dans l'improvisation à peu près quand tu voudras de révéler ta véritable identité. Okay. Oh. Mais pas à tout le monde parce que tu es un hors-la-loi, je rappelle. D'accord. Voilà, on y va et c'est parti. Amour, gloire et roté, tout de suite sur Indestar. Entrez donc. Merci bien. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Alors, dites-moi, quel poste vous convoitez dans mon entreprise? Voyons, disons que je cherche plutôt une place de grandeur, une place où je peux avoir beaucoup de responsabilités. La grandeur ici, c'est moi, si vous permettez. Oui, enfin, il me semble qu'il y a bien quelqu'un au-dessus de vous, non? Vous êtes si jeune. Eh oui, je me suis construit tout seul, que voulez-vous? Ça vous épate? Presque. Je vous envie, presque. Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que c'est possible que vous jouiez encore plus mal? Ça c'est fait. Non, mais c'est très bien, c'est exactement ce que je recherche. D'accord. On y retourne. J'essaie d'être le plus niais possible. Alors, dites-moi. Vous aimeriez être directeur? Oui. Directeur de quoi? Directeur des ventes. Disons que le bois, c'est ma passion. Vous savez ce que je le connais. Si je puis me permettre, j'ai travaillé aux côtés de votre père qui, lui, était un grand. Oh, ne me parlez pas de lui, s'il vous plaît. Oh. Comment osez-vous? La vraie, je ne pensais pas que vous aviez des conflits bien. Relationnels avec bon, votre revenons père. À nos lauriers. Vous savez que je veux faire un grand skatepark devant cette entreprise? Oui, je l'ai appris bien heureusement. Mm-hmm. Pour le plus grand plaisir de ces jeunes qui aiment les trucs à roulettes. Les trucs à roulettes? Les skateboards. Ouais, les skateboards. Vous y connaissez un petit peu en skateboard? Eh bien, disons que c'est fabriqué en bois, et si je me trompe pas, le bois, c'est le bois. Ouais, vous donc m'ennuyez. Le bois, j'adore ça, attendez, c'est presque toute ma vie, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans cette usine qui était la mienne auparavant, et ça me ferait du bien. Vous m'ennuyez beaucoup. Auriez-vous des idées à proposer pour une sorte de nouveau skate? Si je vous demande comme ça, à brûle pour point. Oui, pourquoi pas le skate pointu, celui qui vous arrache le cœur. Le skate pointu? Ouais. Ah, c'est à réfléchir. Vous avez des idées intéressantes, mon bon monsieur. Ouais, pour aérodynamisme, c'est pas mal. Avec un petit spoiler? Ouais, je suis ton père, ouais. C'est moi? Hein? pardon. Ouais. Plaît-il? Ouais, c'est moi, Kevin. Je reviens prendre la situation. Quoi? Ouais. Je vais faire tomber ta boîte. Mais que fais-tu dans mon bureau? Et puis toi, je vais faire tomber ton skate. Mais pourquoi? Je me suis exilé. Maintenant, je sais vraiment que j'étais en Antarctique. Maintenant, je sature des Esquimaux. C'est clair, ça? Oh, mais je sais ce que je vais faire, moi. Tu vas pas aller en Antarctique longtemps. Moi, je vais appeler la police. Voilà ce que je vais faire. C'est ça, mais avant bien. Ouais. Avant, je vais faire taire, Kevin. Tut. Salaud. Tut. Alors, disons que si t'appelles la police maintenant, tu pètes toute l'impro. Ok. Je n'appelle pas la police. Non, mais il peut appeler puis personne répond, par exemple. Non, c'est non, pas. Non, bah non, okay, la police, répond. Okay. Mais disons que c'est ton père, tu peux avoir de l'affection pour lui. Ah, non. Vas-y. Explication. Bon, alors très bien. Je raccroche le téléphone, mais tu vas tout m'expliquer. Je viens de te le dire, je me suis exilé, Kevin. Je viens de passer 6 mois en Antarctique. Tu viens de pourrir ici, dans mon entreprise. Tu vois qui que ça est fonctionne. Mon entreprise non, au ça départ. N'est plus ton entreprise. Comment oses-tu? Regarde dehors, regarde comment l'empire que je suis Kevin en train de construire. C'est minable ce que tu viens de faire. Ah ouais, c'est minable. Mais tu n'acceptes pas skate, ta chute. Ça vient de qui? Bah, ça vient de ton père. Ça vient de mon père. Ouais, mon ça vient père, de moi. Toi, tu fabriquais les petits bâtonnets pour les dents, oui. Pour la langue, bah, je toi, ne sais même plus. Toi, il a suffi et je que m'en tu fous. Les fasses agrandir. Agrandir. Ouais. J'agrandis, je mets des roulettes. Ouais, puis c'est je pas mets... le seul truc que t'as agrandi chez toi. Ah ça, ouais, je ouais. Le sais. Alors hein, pour toi... Petit complexe d'infériorité. Ah, tu te moques sur des choses que tu ne sais pas, cher père. Ouais, je le sais, puisque je t'ai conçu. Oui, c'est cela. Hein, en tous les cas, tu considères petit-fils, mon maman. Entreprise comme régressive. De la pâtée pour chat, Kevin. Ouais, ouais. C'est de la pâtée pour et c'est chat. Celui qui vendait des petits bâtonnets pour en bois qui dit ça. Oh là là. Il va falloir trouver un terrain d'entente. Oui. Celui qui a fait ça. Parce que là, on est sur du vague. C'est reparti. Il a fait un chiffre d'affaires plus haut que tes skates minables. Mais bon. Je vais te pardonner quand même. Ah. Et je vais te laisser m'intégrer dans... Dans mon entreprise, dans mon équipe. Empire. Oui, tu peux le dire. Ça rime en plus. Assis-toi. Et c'est déjà le cas, Kevin. Je suis déjà assis. Ouais, bah, rassis-toi. Ok, Kevin. Bon, alors maintenant discutons. Tu veux combien? 51%. 51%, mais tu rigoles. Non, je rigole pas. C'est bien mon nom qui a sur l'enseigne, Kevin. Allez, je te donne 20% et on n'en parle plus. 40%. 20% pour faire des skates. 45%. On prend tes bâtonnets, on les agrandit, on les assemble, d'accord, et on y met des roulettes. On vend ça, voilà, et on Il faut que tu saches, peut-être ça changera ta décision, mais je suis mourant. Et tu me dis ça comme ça? J'ai besoin de. Tu m'annonces ça en venant dans mon bureau. Une retraite sûre, et je ne te ferai pas de faux bons. En dans me ma disant, lettre, je dans, débarque, dans mon testament. Et je suis mourant. Oui. Ouais. Alors je sais, le je ce sais. Testament. Si tu le veux bien. Comment? Et 20% devront te suffire. 45, Kevin. Je te rappelle qu'il y a mon nom sur l'enseigne de cette entreprise. Tu sais qu'une une enseigne est facile à changer. Peut-être. Bref, pas de conflit, s'il te plaît, père. Signons ensemble. Je veux bien, mais il faut que tu me files vraiment 45%. Je t'expliquerai tout une fois à la lettre. Écrite. Quelle lettre? Mon testament. Non, je veux voir le testament avant. L'autre, il me dit non. Et on signe après. 45. Trouver un terrain d'entente? Je suis relou, hein. Allez, 40 et on n'en parle plus. C'est mon dernier mot. 40, c'est bien. Bon, je signe. Signons. Le contrat est signé. Après. Et René va prendre son poste et travailler avec un ancien collègue à lui qui s'appelle Jackie Lafritte. C'est qui vous voulez, Mathilde, Joachim? Oui. Joachim? Donc, Joachim, tu es sur ton atelier. Enfin, Jackie Lafritte, tu es sur ton atelier. Et René va venir s'installer à côté de toi. Mm-hmm. Et tu vas le reconnaître petit à petit et mettre à jour sa couverture. Et mettre à jour? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire découvrir. Découvrir la couverture. Oh, c'est pas mal ça. Allez, c'est reparti. Il fait froid, c'est l'hiver. Hey, salut, c'est toi le nouveau? Oui, si on puis dire. D'accord. Bah moi, je me présente, je m'appelle Jackie. On m'appelle Jackie Lafritte ici. Et Oui, tu m'es familier. Ah bon? Bah ouais. Bah c'était qui? On se connaît d'où? Non, c'est juste que tu m'es familier. Ok. Je dis pas que je te connais. Tu fais peur, mais je te connais, moi ? Je ne sais pas. Est-ce que mon visage te dit quelque chose ? Alors, Gaëlan, je te rappelle que ton but, c'est de ne pas être découvert. tu étais ah, okay, okay. Je te rappelle que tu étais en prison, tu t'es évadé, et c'est pour ça que t'as changé d'identité. Oui, oui, pardon, pardon. Parce que tu... Il est trop dans la télé. C'est reparti. Ouais, ouais. Prends à peu près au début, vous rencontrez. Ok, ok. Non, mais parce que... J'ai fait de la publicité, mais j'étais dans un costume de chien. Ah bah du coup tu vas nous amener pas mal de clients alors, c'est bien. Oui, oui, oui, bah disons c'est cool, c'est cool. Bah du coup tu vois tout l'open space, il est là à côté. Très bien. Et bah du coup vas-y, tu te mets là et puis tu peux commencer à faire un peu ce que tu veux, ce que tu sais ça faire. Passe, hein, okay. Là-haut. Oui, oui, ça design. Tu vas commencer à le reconnaître. D'accord. Mais c'est vraiment sympa ici. Ça a vraiment changé hein, à l'époque où. Je te vois travailler depuis tout à l'heure. Là, tes techniques de travail me rappellent un peu certaines façons qu'avait mon ancien patron des tics et un peu des tocs, comme on dit. René ? Oui. C'est toi ? Oui, c'est moi. Et il y a une prime sur ta tête ou pas ? Parce que j'aime bien l'argent, moi. Non. Y a pas de prime. Ah, bon, tant pis. Bah écoute, bienvenue. Hein. Et du coup, t'es mon collègue, je peux t'insulter maintenant, t'es pas mon patron. Écoute, peut-être, mais je détiens 40% de ouais, mais tu restes pas mon patron quand même. Il vient de dire qu'il avait 40%, tu peux le faire chanter. Moi ? Non, c'est moi. Ok, ok. Donc je dois de nouveau t'appeler boss ? Tu peux. D'accord. Ok, boss, je dois faire quoi, boss ? Eh bah, continuer ce que tu faisais si d'accord, bien. D'accord, boss. Ça dit rien ? D'accord, boss. T'as vu, je bosse bien, boss. Et oui, tu fais bien rien. On m'a payé pour ça, on m'a dit, on te recrute, on a besoin de gens, et il faut des gens un peu bizarres, et vas-y, viens, c'est pour le quota. Et du coup, bah, je fais rien. Et je suis content. Et c'est-à-dire qu'il y a des hommes noirs pour le quota aussi ? Je change de lunettes, hein, je suis de type africain. Alors, on s'égare. On a appelé Hélène, c'est pour ça. À un moment où tu essayes de le faire chanter, tu essayes d'avoir des parts de ces 40%. Pas bête. Parce que sinon, tu menaces bien sûr de révéler son identité. Ok. C'est parti. Du coup, je te reconnais avec tes tics et tes tocs, c'est pas toi, René ? Si, c'est moi. Si. Je viens de te le dire. Ah, Jackie. Mais désolé, des fois j'ai des pertes de mémoire. Mais du coup, t'as 40%, c'est ça ? Je viens de te le dire. Ok. Si tu me donnes pas 39,9% et je suis gentil, je te laisse 0,1%, je te balance pas au flic. Parce que je sais pas si tu te rappelles, ma tante elle est flic et là mon gars elle habite juste à côté. Ça ne servirait à rien. Et pourquoi ça ? Je suis mourant. Oui, mais ça change rien, tu finiras en taule quand même, mon ami. Je m'en fous de ta vie, moi. Et notre amitié, alors tu l'oublies ? Quelle amitié ? Mais je te connais pas, moi. C'est ça ? On part sur un flashback. Un moment où René et Jackie Lafritte étaient au bord de la plage et jouaient à construire un château ensemble. Un moment d'insouciance. Fameux château de sable. C'est parti. Comme le château de sable, oui. Je creuse. On a quel âge à peu près ? Vous êtes jeune homme, 25 ans. Ok. Oh, quel magnifique château de sable. Oh là là, t'as vu ce coucher de soleil, il est magnifique. Putain, je me rappellerai de ce jour toute ma vie, quoi. Est-ce que ça me suffit, c'est bon. On repart dans l'entreprise. Tu te souviendras de mes abdos. C'est reparti. Non, c'est continue. Ça, du redisque. Bah oui. Ok. Je n'oublierai jamais ce jour où nous deux nous avons construit un château. Mais moi, je me rappelle pas. Hein. Genre, moi, j'étais pas là. Hein. T'es sûr que c'était non, moi ? Je suis sûr. Ça se trouve, c'était mon jumeau. Je n'ai jamais laissé un autre homme toucher mes abdos. Non, c'était toi. Mais c'était pour me dissuader. Je veux quand même mes 39,9, sinon je te balance au flic. J'appelle ma tante. Elle est à côté. Hein. Écoute, je viens te laisser la moitié. La moitié ? Ça fait. 35, c'est ça ? Non, 19,9. Pour toi, et du coup, moi, je prends non. 35. Non, tu prends 19,9. Ah. Ça fait la moitié. Mais ça fait pas la moitié, ça, dis donc. Si, si. Et je me rappelle, mes cours de maths, c'était pas ça. Hein. Oui, on part sur les cours de maths de Jackie Lafritte. Non, je déconne. on reprend, on finit. Bon, qu'est-ce que tu veux à la place ? Un accord, il faut un accord. J'ai une idée, vas-y. En vrai, je vais pas faire mon salaud, je me rappelle du château de sable. Tu te rappelles qu'on avait construit ? Ouais. Vas-y, viens, on va à la plage, on s'en construit un, puis on se check un peu. Ouais. Non, on se touche pas des ados. Non, okay. Je suis pas de ce bord-là, moi. Mais pourtant. Ah, je confonds peut-être. Ouais, je pense. C'était peut-être avec mon cousin. Peut-être. Ok. Finalement, on va peut-être pas aller faire le château de sable ensemble, hein. Chacun son côté. Et Jackie Lafritte et René partirent donc sur une plage faire des choses qui ne regardent que eux. c'est génial. Un peu laborieux peut-être à certaines périodes. Ouais. C'est bon, c'est... Mais c'est pas Télé-Nova. Ça va, ça va. C'est pas Télé-Nova. Exactement, ça galère un peu. Mais du coup, la pauvre Mathilde, elle a pas interagi dans ce sketch. Ouais, non. Mais je me suis bien marré, donc ça va, t'inquiète pas. J'avais pas trop où on allait, j'aurais pu, mais ça aurait encombré plus qu'autre chose. Non, pas que t'encombres. Mais je crois que tu encombres, Mathilde. Pourquoi t'es venue ce soir? Mais t'es un peu encombré au niveau du nez, c'est tout. Mais je m'attendais tellement quand tu disais, ouais, j'aime le bois et tout, je m'attendais tellement à j'aime les grosses poutres. Je m'attendais tellement à ça. Je suis déçu, je l'ai pas eu. Je suis déçu. Ok, c'était donc mon gloire et René. Voilà. Et on écoute Lionel Cassio avec Say It To My Face. A tout de suite sur Indestar, des bisous. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, on est large sur Indestar jusqu'à 23h. Il nous reste une demi-heure, on est bien. On t'entend pas. Ah oui. On s'habille tous avec du XXL. On est extra large. Ça va toujours? Ouais. Ouais, vous avez pu manger des trucs, des petits trucs, machin. Une compote pomme rhubarbe. Ah, Mathilde a la bouche pleine. Ton avis sur l'émission depuis tout à l'heure? Nouveau titre de ta section. Bonjour, ça va bien. L'astuce ancestrale, on n'a pas le droit de ni manger ni boire dans le studio, donc on met dans notre bouche et on mâche pendant. Ma découpe de fromage l'a perturbé, du coup elle l'a recoupé droit. Mais qui est-ce que ça n'a pas perturbé ta découpe du fromage en même temps? Non, mais il a fait une demi-lune. Je vais en faire des cauchemars, Kevin. Donc, ça va pas du tout, Kevin. Il est paillette dans ma vie, Kevin, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'avoue. Donc on est reparti sur une improvisation qui aura pour thème, alors c'est un peu long. Ça s'appelle « Le premier homme qui a découvert un perroquet a dû être vachement surpris ». Wow. Du point de vue du journaliste, du coup, ou... Est-ce déjà, ça sonne bien de nom. Ou de Robinson Crusoe. En fait, c'était une idée que j'avais eue pour un court-métrage, mais c'était beaucoup trop chiant à faire. Je voulais le du faire coup, tu nous le refourques, quoi. Je voulais le faire en saga... Alors, laisse-moi finir. Je voulais le faire en saga MP3, mais du coup, c'est un peu en cours d'écriture. Donc, du coup, bah, je vous le donne là pour voir ce que ça va donner. Ok. Si toi, ça peut te donner des idées. De quoi? Ça peut te donner des idées. Bah, complètement. Et je vous les volerai comme un connard, hein, d'ailleurs. Bah, comme le perroquet, quoi. C'est un connard, un perroquet? Bah, il vole. Non, mais il vole, quoi. Mais il vole les idées. Oh, c'est beau, c'est assez beau, ouais. Ouais, c'est assez poétique. Tout à fait. Donc, j'ai besoin de deux aventuriers. Il y aura Mathilde, qui a pas beaucoup fait de trucs à la dernière intro, pas du tout, même. Et Joachim, pardon. J'ai toujours eu l'âme d'un aventurier. Et vu que je fais pas le jeu de rôle, et bah, je fais l'aventurier aussi. Okay. Soyons deux aventuriers ensemble. Allez. Pour la première scène, comme donc, Indochine. Vous êtes des colons, des colons français pour éviter de vous faire chier avec les langues. Ok. Ok. Donc pas des gens très recommandables a priori, hein, les colons. Non, c'est pas... bons d'accord. Cool. Un peu des contrebandiers. Langue de bœuf dans le bon colon. Et je vais avoir besoin d'un capitaine du bateau. Ça va être Yann. Non, Théo. Ça va être Théo. Ok. Je rigolais à la vanne de Gaël. Il va y avoir encore un combat en vieux français ou pas? Alors non. C'est vrai qu'on avait fait ça l'autre jour. Ah putain. Combat en vieilles insultes, ouais. Donc pour la première scène, du coup, vous êtes sur le bateau et vous arrivez là où vous voyez de la terre en fait. Donc la terre vierge de toute civilisation. Et vous mettez le pied à terre et je vais vous demander les deux aventuriers de faire une connerie, n'importe laquelle. Okay. Soit de mettre le feu au bateau ou un truc dans le genre, tu vois. Ok. Et pour cette connerie, le capitaine va vous envoyer en mission de reconnaissance dans la jungle. Bien sûr. C'est le lancement de l'improvisation. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais enfin bon voilà. Ok. Vous avez quartier libre pour la connerie que vous allez faire. Et j'ai une idée si tu veux. C'est bon pour toi? Moi aussi, mais vas-y, je t'en prie. Comme tu veux. C'est parti. Terre, terre, voici la terre. Ça c'est autre chose, je crois. Ah, on arrive enfin vers la terre promise. Ah, enfin, parce qu'on est marre de la mer un peu. Ah, moi j'aime bien l'aventure là, dans la. Alors forêt, quoi. Messieurs, dames, vous allez partir à l'aventure. Oui. Le capitaine, vous allez découvrir cette nouvelle terre. Il faut m'écouter quand je parle, Théo. Dans la jungle. D'abord, il faut que tu nous laisses dire notre connerie. Ouais, la connerie, ça va être l'élément déclencheur. Et ensuite, pardon, vous en pour moi. La même, mais en plus énervé tout à l'heure, t'inquiète pas. C'est parti. Donc du coup, on est tous à terre, j'imagine. Oui. Oh mince, regarde Mathilde, je crois que j'ai pas fait exprès, mais le bateau s'est détaché, il est en train de se partir là. On fait quoi, on lui dit ou pas au capitaine? Je crois qu'il vaut mieux lui dire. Hein. Ouais. Ah ouais. Mais après, on va faire comment pour rentrer? Oh, ils sont assez, ils vont bien réussir à aller l'attraper. Ouais. T'inquiète, oui. Nous, allez. On va se réfugier sur la terre. Hé, chef. Oui. Je crois qu'on a mal amarré l'amarrage. C'est-à-dire? C'est l'amarrage, il s'est barré. Bah, disons que le bateau est en train de se casser, en fait. En train de se barrer. Le bateau? Hé, vous connaissez Robinson Crusoe? Mon bateau! Attends, vous êtes censé avoir des hommes sur le bateau. Non mais hey, sinon vous connaissez Robinson Crusoe, on a qu'à faire ça, c'est bien. Vous voulez jouer les Robinson Crusoe, ouais. Oui. Eh bien vous allez me dire, vous allez le payer. Vous allez payer votre connerie. Je vais vous envoyer là, moi. Dans la jungle. Où ça, là-haut? Non, les étoiles? Non, dans la jungle, devant. D'accord. Vous. Vous voyez toutes les... Les lianes. Les lianes, exactement. Eh bah, allez-y. On va chercher des vivres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ramenez-moi du gibier. Du gibier? D'accord. J'ai grand faim. D'accord. Et du bois pour le feu aussi? Et du bois pour le feu. Et un nouveau bateau. D'accord. Et vous voulez autre chose aussi? S'emballer à Mars ou un Big Mac, ouais. Ne vous moquez pas de moi. C'est pas moi qui l'a dit, chef. C'est ne lui. Vous moquez pas. C'est de elle, moi. C'est elle. Allez-y. Ok. Et bien. Voilà, formidable. À ce moment-là, vous allez partir à l'aventure. Et Gaëlan, quand tu voudras, mais un petit peu plus tard dans le texte, tu vas voir, ils vont rentrer dans la jungle. Je t'ai demandé de faire le perroquet. D'accord. Mais comme tu es un perroquet que tu n'as jamais entendu d'humain parler, tu vas parler seulement avec des mots que tu as entendus oui. dire. Ok. Par eux. Ça marche. C'est bon ? Ça marche. C'est un challenge. C'est un perroquet portugais ou ? Oui, ça marche. Je construis des murs. Alors, tu fais une belle voix de perroquet qu'on comprend. Je hein. sais pas comment faire. Oui, tu sais. Oh. Voilà. Là, ah, c'est bon. Parfait. Okay. Là, on y croit, c'est formidable. On repart avec nos aventuriers qui s'aventurent dans la jungle. Ah, mais t'es trop con d'avoir lâché le mariage. Hein. Ouais, mais en vrai, c'était drôle un peu quand même. J'ai bien rigolé. Mais non, mais tu sais, ça fait sûr. Regarde où on est maintenant. Ah, oh, et puis il y a de la boue. Oh, mais c'est trop bien. Et hein. Eh, viens, on monte aux arbres. On regarde ce qu'il y a autour. Ah, j'avoue, c'est pas une mauvaise idée. Vas-y, viens, on monte aux arbres. J'entends une voix au loin. Oui, je crois que c'est le chef. Il est un peu bourré, hein, comme d'hab. Tu sais, genre les chefs de bateau, comme ça, ils aiment bien qui le whisky. Est, hein. Il est né, whisky peut-être. Whisky. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Eh, mais regarde là-haut, tout en haut dans l'arbre, il y a quoi? C'est une bête. C'est quoi cette bête là? Et moi j'ai peur, je redescends. Hein. Je sais pas, je connais pas. Alors, pour l'ironie dramatique, oui. Vous allez pas savoir ce qui parle. D'accord, on voit pas ce que c'est. Vous voyez peut-être un oiseau, mais vous faites pas le lien du tout. Vous avez jamais vu de perroquet. D'accord. Okay. Donc, vous, je sais pas, des c'est esprits, des trucs, ouais. Voilà, vous trouvez une explication à la con. D'accord, ok. Allez, reprenons. Et t'as pas entendu un bruit bizarre? Si, on aurait dit une voix, c'est étrange. Ouais, pourtant on est que les deux, on vient, on monte tout en haut de l'arbre et on va voir ce qu'il y a autour. Tu crois qu'on est suivi? Whisky? Whisky? Bah. Eh mais c'est sûr, on est suivi, hein? Et je crois que. Vas-y, viens, on redescend de l'arbre. Et on va où du coup? On part, hein, non? Non, viens, on monte. Je veux voir ce qu'il y a autour. Ok, vas-y, on remonte alors, je te fais confiance. On monte! C'est toi qui as dit ça? Tu crois que c'est un esprit? C'est toi qui as dit ça? Non, c'est pas moi. Bah. C'est bizarre, non, c'est pas moi. Mais c'est pas moi non plus. Ça recommence? Mais. Il y a des esprits autour de nous? Il y a un esprit. Moi je suis sûr qu'il y a un esprit. On est dans la terre des esprits. D'accord. Whisky? C'est la terre du milieu? Exactement. Tout à fait, et oui, tout à fait. D'accord. Voilà, comme il y a une voix que vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est un dieu. Et vous allez essayer de créer une religion à ce dieu-là. Let's go! En faisant. Attends, Gaëlan, écoute-moi. En faisant à peu près tout ce qu'il vous demande de faire. Donc, d'accord. Gaëlan, oh, c'est parfait. Gaëlan, c'est un parc d'attraction pour toi. Oh. C'est un plaisir. C'est parti. Ok, c'est bizarre. Du coup, c'est un esprit. Et en plus, il est au-dessus de nous. Ça se trouve, c'est Dieu. Et imagine, il nous parle. Imagine qu'on arrive sur cette île. Et ben en fait, on entend on Dieu, parle Dieu qui on nous parle. Parle. C'est Dieu qui nous parle. Eh, hey, Dieu, tu nous entends? Whisky? Qu'est-ce que veux-tu, Dieu? Quel est ton souhait? On monte. Oui, on est bien monté. Et non, mais viens, on va faire découvrir ça à notre chef. On va chercher notre chef. On va lui montrer. Non, un non, peu. Non, chef non, certainement le chef pas. Gardons-le pour nous. D'accord, non. Ok. Ok. Bon, bah on garde ça entre nous alors. C'est notre secret. Et donc, Dieu, que voulez-vous de nous? Whisky? Tu veux du whisky? Vous voulez du whisky? Chef? Je crois qu'il m'en reste. Attendez. Ah oui, mais où êtes-vous du coup? On monte? Oh, d'accord, bah je monte. Et vas-y, je reste en bas, je regarde s'il y a des gens qui arrivent et tout. Ok, bah moi je monte. Je te protège, vas-y. Je vois rien. On descend? Dieu, êtes-vous là? On descend? Vous êtes descendu, ok, je descends. Vas-y, saute, je te rattrape. Attends, je le sens pas. On vas-y, t'inquiète, vas-y, balance, saute. Saute, dis de sauter, allez, je saute. Vas-y. Ah, merde, putain, t'es tombé à côté, j'ai mal rattrapé, désolé. Ça va, t'as rien de cassé? Ça va pas du tout. Whisky? Vas-y, viens, on prend le whisky, on le balance, là, on entend la voix, hein, je pense. Ah, je vais avoir du mal, là. Ça va? Vas-y, donne le whisky, je vais balancer. Tiens, attrape. Je crois que t'as frappé quelque chose, je crois. À ce moment-là, un sage indien arrive devant un chaman. Il peut parler, il parle un petit peu approximativement s'il veut, mais il va surtout comprendre un petit peu la situation et se foutre de leur gueule. C'est parti. Qu'est-ce encore que cela ? T'as encore un bruit bizarre, mais elle est bizarre cette forêt un peu. Dieu est-ce toujours vous ? Hey, regarde, il y a une ombre bizarre, il y a une forme bizarre qui apparaît là. T'es qui toi ? Qui êtes-vous ? Calmez-vous. Carte-toi un peu, Mathilde, fais attention au cas où. Ouma ! Vous êtes qui vous ? Vous êtes qui vous ? Chèvre, village ! Il a l'air un peu taré. Bizarre. On y est arrivé sur. Ça se trouve, on hallucine, ça se trouve, c'est des hallucinations. Tu crois ? Peut-être. Peut-être le manque de whisky. Peut-être. Whisky ? Pourquoi il rigole ? Il se fout de nous, tu penses ? Je me demande, Je crois. Il y a peut-être trop bu. Ouais. C'est qui vous ? C'est qui vous ? Il y a quelque chose sur ton visage, peut-être, non ? Ou sur le mien ? Pour il se moque, peut-être ? Regarde-moi. Non ? Tu me regardes ? Ouais, je te regarde. Et toi, tu me regardes ? Vous perdu ? Et. Bref, on s'est regardé. Vous perdu ? Je l'ai regardé, il m'a regardé. On monte ? On monte ? Ah, Dieu nous dit de monter. Tu montes ou je monte ? Vas-y, on peut monter ensemble, monsieur. Allez, monte ensemble. Allez, comme ça, on tombera ensemble. Dieu ! Vous montez ou ? Eh, on monte à l'arbre, le monsieur. On monte à l'arbre ? Le monsieur, il nous a dit. Le dieu, il nous a dit, vous entendez pas la voix ? La voix, oui. La voix, elle a dit, il faut faire des choses. Animaux ? De quoi ? Il y a un animal ? Il y a un animal quelque part ? Vous prenez perroquet animaux ? De quoi ? C'est un perroquet ? C'est quoi ça ? On descend ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce vous dites que la voix, c'est un animal ? Vous confondez animaux, perroquet ! Appelle smartphone. Oui, confondez lui perroquet animaux. C'est pas mal là, je suis super. On est connecté maintenant. L'Indien qui appelle ses collègues sur son smartphone, bah oui. Normal. C'est extraordinaire. J'avoue, c'était bien, ouais. C'était très très bien. C'était bien marrant. Moi, je suis très fan de d'abord mes chaussures, ensuite mon batteur. Il revient toujours Bourville. Mais oui, j'imite beaucoup de fois Bourville, jamais je l'ai faite celle-là. Je l'ai piqué. Mon batteur, mon batteur. T'es pas arrivé dans le contexte, c'est pour ça. Bon, bah voilà ce qui s'est passé à la première rencontre avec un perroquet. Ça se trouve, cette histoire est vraie. Mais bien sûr. Ouais, oui. Et pourquoi pas l'histoire, la suite dans un prochain épisode ? Peut-être, ouais, on verra. On verra, en attendant, on écoute Lindsey Stirling avec sa cover de Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Je savais pas qu'elle a fait une cover, cool. Stylée. Ah, elle est trop bien cette musique en plus, en vrai. Ouais. Boulevard of Broken Dreams. Ah, vrai. Tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h. Sur Indestar. Tout à fait, c'est presque la fin de l'émission. Hélas. Tristesse. Et oui. Ouais, il nous reste 10 petites minutes, une petite improvisation pour finir en beauté. Après, on peut dépasser un peu en soi. Oui, on peut dépasser un peu, mais enfin après, on va pas coucher là non plus, quoi. Bah pourquoi pas ? J'ai pas payé assez. nouveau scénario, on est dans un camping, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas assez pour le parking là. C'est ça. Ok, pour le dernier scénario, on part du côté de la mafia. Oh, mafia russe, laquelle ? Mafia sicilienne. La triade. Non, mafia, parenthèse, insère ton nom. Voilà. Mafia indésarienne. Inséré, non gouvernemental. Ouais, c'est ça. Donc, pour cette improvisation, je vais avoir besoin d'un parrain, bien sûr. Oui, un parrain de la mafia. Oui. Gaëlan s'était proposé avant. Ah, bah Gaëlan, oui, j'aurais bien aimé faire le. Ce qui brasse déjà de l'argent, c'est pour ça. Mais Mathilde, parce que j'avais enfin la voix pour faire. Je pouvais enfin faire une voix. Bon, écoute, je te le laisse si tu veux. Non, vas-y. Ok. Et Mathilde, du coup, je vais te demander de faire la. Comment dire ? La fille du pain. La marraine. Non, la rookie, quoi. La débutante, la petite frappe. La nouvelle. La petite nouvelle. Qui doit en faire ses preuves un peu. En fait, dans mon scénario, au début, tu es une voleuse. D'accord. Parce que tu n'as pas d'argent. Oui. Et tu vas être repérée par le collègue parrain. Oh, ça va. Et donc, un peu comme dans Les Infiltrés, quelque part. Il va t'initier à la mafia et t'envoyer faire des trucs dangereux, des échanges. Voilà. Tu fasses tes preuves. Je suis Tony, quoi. Ouais. Les Infiltrés. T'es Tony Truant. De Scorsese. Non, de Tony Truant, Tony Truant, oui. Toujours le mot pour rire. Oh là là. Qu'est-ce qu'on est drôle chez Indestar. La cerise sur le gâteau. Elle est recyclée de Nous c'est Nous, ça, d'un vieux sketch de Nous c'est Nous. Bref, il me faut un marchand de légumes également pour cette improvisation. Ah, c'est un bon marchand de légumes. Marchand de légumes. Yann, donc j'ai besoin de toi pour ce rôle. Alors, je vais te demander de mettre toute ton âme dans ce rôle, mais par contre, tu vas avoir que deux phrases. En deux mots, allez. Les deux phrases, ça va être Mes légumes à deux fois la même phrase. D'accord. beaucoup d'originalité. Non mais c'est bien, c'est bien. Non mais des fois il parle beaucoup, donc là au moins on le condonne, tu dis ça et c'est tout quoi. Non c'est pas ça, c'est très important, non, c'est toi qui donnes le ton de l'improvisation. D'accord. Si tu y crois, on y croira ouais, aussi. Ouais. T'es prêt? Ok. T'es prêt? Oui. Ah je t'ai pas mis assez la pression alors, bon tant pis. Donc on est parti, vous avez compris que Mathilde va voler des légumes au marchand de légumes et que elle va courir dans une ruelle et le parrain va l'aborder à ce moment-là. Sérieusement, la mafia elle va voler des légumes. C'est ça. Genre ouais, ça va. Wow. Non, c'est pas ça. C'est que dedans il y a des armes et tout. Ah, c'est le moment où il la repère. Oui. C'est... Ah. En fait, le parrain il va dire eh, pâté, t'es genre dans la précipitation, tu cognes contre moi, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a ça dans tous les films. Ouais, voilà, le hasard. On s'est entrecroisé. Pâté, tu vas gagner de l'argent, tu vois, un truc. D'accord, je vois. Alors, très bien. Comme ça, on veut péquer. Voilà. Et en plus, t'es sur son territoire, je sais pas, peut-être. Donc, okay. Des idées, quoi. On est prêt. Ouais. C'est parti pour cette improvisation qui s'appelle Mes légumes, mes légumes. Il a tout dit. Attendez. Non. Oh. Ouais, ça va, ambiance de marché. Donc, Mathilde s'approche du stand de légumes et... Ouais. Ah bah non, mais mes légumes. Mathilde part en courant. Oh, au hasard des ruelles. Quand tout à coup, elle tombe nez à nez avec le parrain qui s'appelle... José de la Garcia. Et qui êtes-vous? Eh bien, tu es dans ma rue, petite. C'est là que j'ai grandi. C'est moi le parrain, ici. J'ai pas du tout entendu parler de vous. Ah bon? Ah non. Eh bien, maintenant tu me connais et sache que tu viens de voler un de mes amis. Ah. Bien. Peut-être qu'on peut s'arranger? J'espère bien. Peut-être. C'est 50-50? Non, pas question. Fais voir tes mains. Eh oui, c'est bien des mains de voleuse. C'est censé. Alors comme ça on vole? Depuis non, quand, je depuis, vois pas de quoi depuis vous parlez. Quand tu voles? Ça va faire 25 ans. Très bien. On t'a jamais appelé à... Ouais, dans le scénario, t'es plutôt jeune. Je suis plutôt jeune. Ouais. Ah, je pensais. Ah, bah, après, peut-être qu'elle volait déjà des malabars dans les mains. Dans les... Bah, c'est ça, c'est depuis toute petite école, quoi. Et c'est okay. Reparti. Bon, bah, allez. On t'a jamais appris à apprendre à avoir du travail? Ah non, j'ai toujours volé. D'accord. Toujours dans les rues. Alors, parrain, du coup, tu vas l'amener dans ton bar qui s'appelle le Carambar. D'accord. Et avec tu, moi, vas, tu vas lui apprendre la vie, tu vas lui le présenter tout le monde. C'est l'histoire voilà. De la vie. Pardon. Bon, viens avec moi, drogue, petite, je vais te parler de moi. J'ai besoin de me confier aujourd'hui. Où m'amènes-tu? Tu vois le bar au bout de la rue? Le Carambar? Le Carambar, voilà, on y c'est va. C'est ton bar? Oui, c'est le mien. Ils entrent dans le Carambar. Tu vois, petite, avant... J'étais comme toi, je suis un immigré. Je viens de Sicile, un petit village qui s'appelle de la Garcia. Ah, parce que moi en fait je suis d'ici, hein. Oui, peut-être. Je suis française, hein, Oui, peut-être. Mais ici, on ne vole pas. On fait quoi alors? Eh bien, on fait toujours une proposition que l'autre ne pourra pas refuser. Quelle est ta proposition? Là, tout de suite, j'en ai pas. Là. Okay. Zéro. Si, une petite proposition. C'est bien ça pour faire rebondir. Tu vas proposer d'aller faire un pot de vin. Voilà, un pot de vin, un petit cachet sous la table. Très bien. Bon, si c'est un cachet sous la table, ça va. Un cachet. À qui? À un politique? Oui, mais à qui? À des gens haut placés, puis si je puis dire. Quel serait mon rôle dans cette affaire? La taupe. La taupe? Et la contre-taupe. Et la contre-taupe? Ouais. Qu'est-ce que la contre-taupe? La contre-taupe, c'est le fait de faire. Croire que tu es du côté de la taupe sans faire la retaupe. Est-ce que c'est clair? C'est tout à fait clair. Oh, pas du tout. Mais si, c'est trop bien. C'est trop alors, bien. Alors, Yalan, je te rappelle qu'il nous reste 5 minutes pour finir l'impro. Ah, c'est tout. Okay. C'est donc, tu vas l'envoyer, ouais, faire la taupe ou espionner un truc, mais pas de contre-taupe, je comprends rien. Mais si, c'est oui, non, mais d'accord. Mais c'est parfait. J'ai besoin de comprendre quand même. Non, mais j'essaye de perdre. D'accord, ah oui. Ok, c'est pas grave. Parti. Bien, je pars dans combien de temps? Non, attends, tu parles de quoi? Attends, tu vois l'ami que tu viens de me voler. Voilà. Oui. Eh bien, disons que lui, il me doit quelques services. J'aimerais que tu ailles fouiller de son côté et te faire pardonner. Tu dis que tu viens de ma part. Je suis pas très sûr des affaires qui peuvent manigancer. J'aimerais que tu ailles pour moi. Je comprends, pas de souci. Qu'est-ce que j'ai en échange? Ma bénédiction. Ça tu es pour Rosa, mon fils. Mazel tov. Ok, boss. Je suis tout à vous, boss. Ben, c'est bien. Tu es charmante, mon petite. Et puis, tu auras de quoi manger à ma table. Ah, ça me fait très, très envie. Je suis tout à vous. D'accord. Très bien, non, très bien. Mathilde, la petite Mathilda, donc, va Mathilde. Revoir... Ouais, ça fait un peu mafieux, non ? Ouais. Je trouve ça très bien. Elle va donc s'excuser auprès du vendeur de légumes qui va avoir sa deuxième vie dans cette improvisation. Grâce à moi. Il sait se réveiller. Et donc, elle va dire autre chose que mes légumes. Elle va essayer de se lier d'amitié avec elle, avec lui, avec toi, uh-huh. pour t'arracher des secrets. Voilà. Dis bien que tu viens tu de ma part. Dans le dos du parrain, tout ça. Rappelle-moi ton prénom. José de la Garcia. Donc, on est de nouveau sur le marché, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Okay. Regarde, hop là. Formidable. Les carottes, les salades. C'est pas des salades, c'est des carottes que je vends. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, je vous reconnais, vous. Oui, alors comment vous dire? Eh mes légumes, vous me les rendez? Je vous rends vos légumes, bien sûr, je vous paye même vos légumes, pas de soucis. Mais payez-les-moi et on discute. Tenez, voilà ce qu'il faut, en cash. Petite voleuse que vous êtes. Je viens de la part de José de la Garcia. Oui, c'est ça. José de la Garcia. José de la Garcia. Ah, José. Oui, José. Oui, le carambar. Exactement. Ouais, les concurrents. Concurrent de mes légumes. Concurrent, eh bien, je viens discuter avec vous affaires. Je viens discuter avec vous d'un partenariat potentiel. Un partenariat. Que dites-vous là? Et pourquoi? Pourquoi? Mais tout simplement car il vous apprécie. Car il aimerait en savoir plus sur vous. Et pourquoi c'est vous qui venez? Mais parce qu'il est très occupé, voyez-vous. Il est très occupé à quoi? Je le connais, le petit filou. On était à l'école ensemble, figurez-vous. C'est vrai, bah écoutez, vous le connaissez bien dans ce cas, vous savez comment il est. Ouais, dès la maternelle, il volait des carambars. Et aujourd'hui, il en a fait un. C'est quand même beau, je trouve. C'est cocasse. C'est cocasse. Ouais, vous pouvez le dire, c'est cocasse. En tous les cas, c'est un arnaqueur. Un vaurien. Un filou. Oh, écoutez, comme monsieur, vous. Écoutez, monsieur, je pense que nous pouvons trouver un point d'entente. Je viens pour m'excuser auprès de vous. Et je pense que nous pouvons réussir à nous entendre. Oui, achetez-moi des pommes de terre, tiens. Elles sont à 1€ le kilo seulement. 1€ le kilo? Mathilda, je vais te demander d'être très menaçante. Je dois être très menaçante, je croyais que je devais justement... Oui, mais il est pas très... Ouais, mais il est pas coopérant. N'oublie pas, coopérant. Que moi, j'ai certaines relations aussi. D'accord. Donc du coup, tu vas le menacer que s'il donne pas 1000 balles maintenant, donne machin, il va mettre son établissement à sac. Ok. C'est à part. Bon, écoutez, puisqu'on n'arrive pas à s'entendre, on va faire autre chose. Si vous ne me donnez pas 1000 balles... 1000 euros Tu lui fais fermer sa boutique. Et pourquoi je vous donnerais 1000 euros? Je fais fermer votre boutique. Oui, et comment vous pouvez fermer une boutique à ciel ouvert? Oh, mais c'est très simple, il a bien assez d'hommes pour vous faire chanter. Disparaître. Oui, alors, savez-vous, mademoiselle, que je chante déjà. À la chorale, le week-end, je suis ténor. Ce n'est pas le sujet. Vous avez bien une femme et des enfants. Et pourquoi je dirais? Vous ne me le dites pas si vous voulez, mais nous savons tout, nous voyons tout. Ah, vous me faites chanter donc. Ah, tout à fait. Ouais. Je ne le cache pas. Vous savez quels sont les pouvoirs de mes légumes? Moi non plus. Vous non plus. Ça ne vous qu'un sens. Non, top, c'est bon. Non, comme Mathilda se rend compte que le marchand de légumes est soit trop con, soit beaucoup trop intelligent pour être menacé. Donc du coup, pour la première option. Je suis pas sûr que ce soit le... Elle va reporter l'affaire au patron, enfin au parrain, qui décide de se déplacer directement voir ce vendeur de légumes impétueux. Aïe. C'est reparti. On est donc sur le marché et il y a le parrain, Mathilda et le vendeur. Eh bon, écoutez, le patron, il qu'est-ce qui se passe? Il est pas du tout réceptif, je crois qu'il est con en fait. D'accord, je vais venir pas, moi-même du coup. Je vous laisse gérer ça. Très bien, tu vas m'accompagner, tu vas voir comment on fait. Je vous c'est accompagne, en je regarde. Regardant qu'on apprend. Je regarde attentivement. Vous êtes mon étoile. Salut Roger. Oh, Rosé. Vous voulez un pamplemousse? Non, pardon. Toujours le mot ça polaire. Ça fait longtemps, roi. Ça très fait longtemps, je me souviens des récréations et C2. Joachim, je vais te demander de faire le gros bras derrière. Ok. Voilà. T'es un gros bras, un peu con, mais très fort. Xiaotun, il est parmi nous? C'est le délire, ouais. Ok. Écoute, Roger, je suis au courant de tes magouilles. Ok? Et tu le sais très bien, j'ai des relations. Et parce que toi, tu ne magouilles pas, peut-être, hein? Peut-être, mais toi, tu n'as aucune preuve. Moi, j'en ai. Ouais. C'est ce qu'on dit. C'est qui ce singe là? Calmez-vous. Oula. Il est. Il est. Hein? Oui, oula. Oula. On n'est pas là pour rigoler, nous. Non, il n'a pas l'air. Lui, c'est mes bras. Petite salade, petit radis. Vous allez voir ce que je vais vous en faire de votre radis, vous. Ah, d'accord, non, pas de radis. Écoute, qu'est-ce qui pourrait vous dérider? Pas de chou entre nous. Ouais, je suis pas chinois, moi, calme-toi. Ok. Qu'est-ce que tu voulais, Rosé? Eh bien, que tu saches que je suis au courant de tes magouilles. D'accord. Et en admettant que tu sois au courant de mes magouilles, ça ne change quoi? Bah, le fait que je vais racheter ta boutique. D'accord. Parce que, toi, tu te vois vendre des légumes. Et tu réponds pas à mon patron comme ça, toi. Est-ce que tu connais cette saveur, cette fierté que tu as quand, oui, quand tes carottes poussent? Je connais une autre saveur qui est celle de la détente de mon pistolet. D'accord. Tu veux la jouer gros bras? Eh ben, c'est le cas, j'en ai un avec moi. Et tu vas faire ce que mon patron te dit, tu vas voir. Et donc là, patron, c'est le moment où, en gros, vous le faites chanter, c'est ça? Eh oui, tu vois, déjà, il le chante. Ah, d'accord. Et en gros, c'est le moment où vous dites piétendre et tout, et il saute. Ok, je prends note. Bon, que dois-je faire? Bien, disons que je rachète ton contrat et tu gardes seulement 2%. 2% de mon contrat? Voilà. D'accord. Tu as très bien noté. Il me faut du temps. Il me faut un peu de temps. On n'a pas le temps pour travailler. Je te laisse 24 heures. 24 heures, ok, ça va faire un peu court. Plutôt genre 2 semaines, si c'est possible. Non. Juste. Aucune négociation. Bon. Tu vois là. Une semaine. Ce carnet contient les photos de toi et ta maîtresse. Oh non, pas ma maîtresse. Et si je te l'avais dit? Oh non, pas elle. Non, tu peux pas faire ça, on s'est connus à la maternelle. Qu'est-ce que ça fait? Mais. Qu'est-ce que ça change? Mais Rosé, enfin, c'est moi! Ouais, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, je m'en fiche. Mais non, mais c'est moi! C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi! Ouais. Tu peux pas faire ça. Écoute, bon, d'accord, ok, je ferai tout ce que tu peux. Je ok, d'accord, d'accord, je suis. D'accord, non, mais très bien, ne touche pas à ma maîtresse. Et de ne dire rien à ma femme. Et ne dire rien à mes enfants que j'aurais pu avoir avec elle. Eh, hey, mais quel mytho, je croyais que t'avais pas de femme. Non, mais si. Oui. Et c'est ainsi que le vendeur de légumes laissa son commerce racheté par le mafieux, qui n'avait pas menti car il avait bien des photos de du vendeur de légumes avec sa maîtresse, mais c'était sa maîtresse quand il était en maternelle. Merci beaucoup pour cette improvisation, c'était la dernière. C'était mal joué. Et oui, j'avais en tête, mais... Oh, il y avait quelques petites incertitudes, ouais, enfin bon, c'était rigolo quand même, hein. Ce vendeur de légumes qui t'embobine, alors ça. Ah ouais, mais j'étais bien bardé dans ce rôle-là, et après... J'ai adoré le dialogue entre toi et Mathilde. Ouais. Elle peut rien faire, Mathilde, parce que quoi que tu dis de la merde avec. C'est impossible. On a dit... Peu importe, on peut être sérieux, rien de fou. Mais oui, incroyable. Je pensais que t'allais vraiment te mettre à chanter. Et non. À un moment, mais. Elle était trop frêle. En vrai, ça aurait été bien qu'il chante. Hein. Elle était trop frêle pour que je me mette à chanter. Vas-y, chante un peu pour. Fais-nous rêver. Awesome. Oh. Bah, eh ben, c'était la dernière improvisation du coup. Oh non. Et bah si. Et on écoute Sarah H. Le monde est un monde à nous. Et on fait un petit débrief juste après. Ok. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Tout à fait, on est reparti pour quelques minutes de petit débrief, hein, pour savoir ce que tout le monde en a pensé ici dans le studio du moins. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé dans le studio? On doit se noter les uns les autres, c'est toujours, c'est toujours incroyable, c'est toujours super. Oh là là. Mais c'est incroyable. Oui. Tu lui as mis un petit billet, non, c'est ça? Non. Moi je dis de l'amour, du partage, c'est tout. C'est que de l'amour. T'as dit quoi? J'ai dit de l'amour, du partage, moi je trouve que c'est beau. Et quand tu partages de l'amour, c'est encore mieux. Ah ouais, carrément. Quand tu fais payer de l'amour en fait. Aussi. Ah, non. C'est dans un autre contexte. Ça, non, je sais pas. Alors Gaëlan, du coup, toi, c'est la deuxième fois que tu viens, je crois. Oui, la deuxième. Est-ce que tu trouves que ça baisse ou que ça monte en niveau? Ah, c'est heureusement qu'il précise en niveau. Ça monte? Ouais. Ah d'accord. Ouais, non, c'est... Je sais pas encore, je peux pas dire, j'aimerais faire une troisième pour voir. D'accord. Mais vraiment, moi, je m'amuse. Il est malin. Mais j'en ai un autre toujours. Je m'amuse toujours. D'accord, cool. Joachim, toi, c'est ta première. Ouais, moi, je mettrai 1 sur 20, comme ça, je pense que ça, les prochaines seront mieux, tu vois. Faudra que tu me réinvites, du coup, d'accord, parce que. Bah, c'est positif, il y a une grosse marge de progression. Voilà, coup. C'est ça. Non, en vrai, c'était génial, mais genre, pour moi, la soirée, si elle continue encore 2 heures, ça me va très bien. Tu vas la faire hors antenne. Oui, mais il faut y aller avec la même équipe, sinon, c'est pas drôle. Ah non, tout seul. Ah, super. Personne pour me soutenir, non? Personne? Non. Ok. Oh non, moi je vais rentrer chez moi, j'ai envie de dormir aussi. Okay. Même si j'aime beaucoup mon public, j'aime bien dormir aussi. Bon, une prochaine fois alors. Oui. Mathilde. Oui. Alors toi. Oui, bah moi. Et bah écoute, moi je trouve ça toujours aussi bien. Oh. Non, mais j'ai l'impression d'arracher des compliments. Bah non, mais c'est vrai. Genre, j'aime bien, j'aime bien les, en tout cas les histoires que tu nous lances. D'accord. Original. Oh bah c'est cool. Moi j'aime bien. Et juste ce qui est un peu, enfin après c'est pas facile, c'est l'exercice, c'est genre, tu sais quand tu nous arrêtes en pleine impro, de des fois c'est compliqué de reprendre après, mais bon, je présume que c'est l'exercice. Ouais, bon après quand je fais le con aussi, c'est ma faute, là c'est pas l'exercice, mais ouais. C'est naturel. Ça c'est autre chose, tu le fichais naturellement. Mais non, c'est très cool, moi j'aime bien. Ok, Théo. Moi c'est la 24ème fois. Oui, du coup. À peu près, ouais. Et non, je suis toujours aussi fan de l'exercice. Et c'est vrai ce que dit Mathilde. Des fois t'es un petit peu décontenancé parce que tu sais pas si tu vas dans la bonne direction. Et là, j'ai ton regard noir qui est étonné. Non, en fait, Théo là, tu l'as mis complètement. Mais c'est cool. Ouais, c'est surtout que des fois t'es à fond dans le personnage et là, d'un seul coup, t'es arrêté en mode non, c'est pas bien ce que tu fais. Ah, non, mais moi, ce que j'aime bien dans la radio en général, c'est que effectivement, tu vois, tu mets un petit son, ça y est, on est dans la jungle, on est sur un bateau, on est dans un sous-marin. Ouais, j'avoue, etc. Les sons sont très bien choisis à chaque fois. Et en fait, voilà, tu t'y crois toi-même quand tu fais ce rôle-là. Ouais, tu t'imagines dans la scène. D'être cette personne-là, ouais, tu vois. Bien, ouais. Voilà, le mec sur le marché, je m'imaginais, en fait, je voyais très bien le marché comme il était, je sais pas pourquoi j'ai. Et du coup, tu les vends combien tes salades? Bah, 1,50€. Ouais, voilà. On raconte pas de salades. Musique, et ça y est, c'est bon. Et non, c'est vrai, tu vois, t'imagines vraiment la scène, et limite, si on te donnait une autre image de ce marché, par exemple. Et eh bah ben, ça te conviendrait pas. Ouais. Oui, bah oui, parce qu'on a chacun notre propre image. C'est plus proche qu'un bouquin en fait. Hein, la radio. Mm. C'est parce qu'on lit quelque chose. Enfin là, on nous dit quelque chose, mais. Mais j'aime bien en général les podcasts audio comme ça quand les gens te racontent des histoires, etc. Et que t'es dedans. Et d'ailleurs, j'étais biberonné à ça. Non, mais pas au podcast audio, mais tu vois, à l'époque à la radio, etc. Et j'écoutais un animateur qui faisait de la libre antenne et il y avait ce genre de délire, de canular, d'histoire. Etc. Et avec quelques bruitages, bah tu refais le monde quoi. Ouais. Et tu sais trouver les bons bruitages? Ouais. Bah je galère toujours un petit peu avant à les trouver parce que c'est pas si facile que ça, trouver des bruitages, mine de rien. C'est vrai. Quand t'arrives à trouver les bruitages. J'ai essayé d'en chercher un peu moi aussi pour mon émission passion et en vrai, c'est pas facile, j'avoue. Bah, mais tu t'en sors bien, du coup, chapeau, félicitations toi. Mais c'est des fois, faut que je trouve des trucs, mais alors, genre le bruitage de sous-marin que j'avais trouvé pour une impro. Ouais. Bah ça existe en fait, il y a de l'ASMR, bruitage de sous-marin. Mais... Ah mais ils font tout maintenant, c'est ça qui est bien. ASMR, il y a ça tout aide, et n'importe quoi. Eh bah je suis ravi que ça vous ait plu, j'espère que ça vous a plu aussi au public. Et toi ton appréciation? Ah bah moi j'ai passé un très bon moment. Comme d'hab. C'est très très chouette, bah oui, à chaque fois je passe un bon moment, qu'est-ce que je te dise. Sinon je viendrai plus. Qu'est-ce que tu penses des scénarios sinon, ça va? C'est de la merde les scénarios par contre. Non bah j'étais très content, Amour, Gloire et René, ça s'est vachement bien passé. De tous les sketchs de la soirée, j'essaie de les remettre dans le bon ordre. Vas-y, c'est la fin. C'est ça, voilà. De tous les sketchs qui ont été faits ce soir, lequel tu as le plus apprécié? Ah, ça c'est une bonne question. Mais c'était la radio, c'était bien. L'amphi, c'était rigolo. Ça, l'histoire gamin, c'était cool, ouais. Peut-être celui-là. Okay. Lequel? Ça, l'histoire gamin, le détective. Ah oui, c'était sympa, ouais, j'avoue. C'est un homme. Et vous? Et genre, et vous ouais. Ah ouais, j'avoue. La mafia là. La mafia? Ouais, c'est bien dans le monde. J'ai pas envie d'être c'est pas chauvin le mot que je cherchais. J'ai pas envie d'être faux ou faire. Enfin bref. En gros, moi j'ai passé une très bonne soirée et tous les sketchs étaient très bons et très agréables à faire. Sauf le dernier où j'ai pas trop interagi, mais je vous ai écouté du coup et c'était très drôle. Du coup, c'était pas toute la soirée était très bien, tous les sketchs étaient très bien. D'accord. Mathilde. J'ai bien aimé le perroquet. Ouais. Parce que mais juste pour la voix de Gaëlan. Ouais, j'avoue qu'il l'a bien. J'avoue, il y a des fois, il sortait des whisky et tout ça, on s'y attendait pas. Genre. C'était un exercice difficile pour Gaëlan parce que, en fait, il devait mémoriser tout ce que vous disiez pour pouvoir après. C'est ce que je faisais. Ouais. Sortir les mots qui l'intéressent, quoi. Exactement. C'est pas facile. Comme un vrai perroquet. C'est pour ça qu'en vrai, sur ce sketch-là, une petite suite, ça serait vraiment pas mal, je pense. Ouais, d'autres explorateurs. Ouais, ou par exemple, ouais. Ah, dans le même sketch? Ah, peut-être. Ou une autre vision de. Yes. De ça. On verra. Eh ben, en attendant, merci beaucoup d'avoir été ouais, avec nous. Et Théo. Yann, oui, qu'est-ce que t'as préféré, toi? Moi, c'était où? Théo. Pardon. non, je sais pas, le deuxième sketch là, qui était l'amphithéâtre. Ah, je m'en fous. Ah oui, mais c'est normal, tu foutais rien. Tu ouais, là. Rock'n'roll. Non, mais c'est pareil, tu vois, j'étais à droite de toi aussi, Mathilde, oui. dans l'amphithéâtre. okay. Et je voyais bien la tête du prof un peu vieux, tu sais, un peu Clément un peu Fouteux. Sale sur lui. Non mais Clément Fouteux dans 40 ans, ouais. Non, avec la tête un peu penchée comme ça, tu vois, à faire son sketch. Ouais. c'est un sketch aussi, oui. Mais son speech, je voulais dire en fait, ouais. Mais c'est pareil. Mais et puis il arrive comme ça dans le bar, toujours avec la tête un peu penchée, avec un coup dans le nez. Ouais, non, je le voyais bien. Cool. Eh ben merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était J'ai vu de la lumière. C'était merci un plaisir à toi. De merci faire à cette toi. Émission avec vous. C'est un plaisir de le faire avec vous aussi. Vous pouvez retrouver l'émission bien sûr sur le site d'Indestar en podcast, l'écouter absolument quand vous voulez. Et on est également sur Spotify, sur 20 autres à peu près sites de podcast. Donc voilà. Et sur Facebook également, sur Indestar. N'hésitez pas à nous donner vos retours. On est surtout. Voilà, écoutez-nous surtout. On est surtout. Écoutez-nous. On est surtout surtout. Merci beaucoup et on vous laisse avec Peter Kludge, No Roots, une cover de No Roots. Oh. Alice Merton. Ah non, c'est une autre. Alice. C'est pas Merton ? Si, c'est ça. Ouais. Elle voulait juste te contredire en fait. Non, mais c'est Alice. Pas de soucis. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de J'ai vu de la lumière, alors je suis entré. Ciao. Des bisous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.